Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. Tania Baudin continuera sa semaine Halloween dans Tania is gonna entertain ya. Et on achètera peut-être notre costume avec shipping accéléré dans 5 existe, ça devrait répondre là. Assemblage Reiki commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Reiki en ce mardi 27 octobre 2015, 182 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudet. Salut Tania. Salut. How are you doing? Ça va bien ce matin, ça va très bien même. Moins fatigué qu'hier. Moins fatigué qu'hier. Mais plus que demain. Plus de caféine lorsque je me suis levée. Ah oui, déjà hein? Par terre. Là, tu mélanges aujourd'hui café eau, café eau. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est pour t'éviter une brosse de café? Je connais pas le... Est-ce qu'il peut y avoir un problème? Mais ça déshydrate, hein, le café, honnêtement. Oui. Ça déshydrate beaucoup. Même si c'est composé d'eau, pas mal. Aussi, mais Dieu sait comment nous, toi et moi, consommons beaucoup de café. Hey, hein? Alors, c'est depuis les dernières semaines, je pense que c'est pire que jamais, là. Je pense que oui. Un bon 5 cafés par jour. Ouais. Ouais. Mais je pense sérieusement que c'est dû au fait qu'on arrive ici puis il fait pas super clair quand on arrive. Ouais. Fait qu'on est déjà mindé à boire beaucoup plus de café avec notre journée, mettons. Et on veut se réchauffer aussi. Ben oui, bon. Parce qu'il fait froid. C'est ça. Faites la même chose que nous. Buvez votre café. Buvez notre café, en fait. Venez ouais, en studio, buvez c'est notre ça. Café. Évidemment qu'on ne boit pas en studio parce que c'est interdit. Donc aujourd'hui, à l'émission, Tania, on va avoir aucun chroniqueur, un grand total de zéro chroniqueur. Ben oui, parce que c'est la relâche, donc oui. Certains de nos chroniqueurs font relâche aussi. Ben ceux d'hier étaient là et on l'apprécie énormément. Pas qu'on apprécie pas ceux qui sont pas là aujourd'hui. Non. Mais je crois qu'on va avoir une bonne partie de nos chroniqueurs qui vont être là cette semaine. Mm-hmm. Et une autre minuscule partie qui sera pas là. Bon, hein, on vous tiendra au courant de jour en jour. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça va être toi et moi aujourd'hui. Et on va se faire nos chroniques maison. Commençons en parlant de toi. Tania is gonna entertain ya. Qu'est-ce qui s'en vient dans ta semaine Halloween? Eh bien, aujourd'hui, en fait, je parle de party. Ben oui, party d'Halloween. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Ben, vous montrer. Je vais vous dire un petit peu. qu'est-ce qu'il faut pour un bon party d'Halloween? Du punch. Ah. On verra. Peut-être. Qui sait? On a aussi des chroniques comme les miennes, mettons. Genre. Ben oui, comme les tiennes, mettons. Ouais. Qu'est-ce que tu nous présentes, Mathieu, un matin? Alors aujourd'hui, je te présente un petit blog de sexe, ça devrait répondre là. La chronique de gadgets achetés sur Internet, comme on aime le faire. Ainsi que ce qu'on fait, ce qu'on a tendance à faire surtout le mardi, c'est le blog pub. Donc, on va faire ça dans quelques instants. C'est cool, ça? Ben oui, c'est super cool. C'est l'émission d'aujourd'hui. On débute avec une pièce de Alabama Shakes. Oui, celle qui se retrouve sur le palmarès. Qui, le palmarès, c'est fou, bien, c'est... ce soir, cet après-midi. Cet après-midi, oui. À 3h. Donc, en fait, on va aller écouter la pièce Future People. Et on se retrouve dans le futur. Oh! C'est-à-dire dans 3 minutes 21. Assemblage Reiki au 89 FM. Album Shakes, Future People, à Assemblage Requis sur le Parlement anglophone. Oui. Qui est diffusé les mardis. Oui, si je me souviens bien, je pense que c'est toi qui l'as, où ils étaient situés la semaine dernière, je me souviens plus très bien. Ils étaient en position numéro 3. Voilà, alors est-ce que cette semaine, ils vont encore être en position 3? Mais je leur souhaite pas. C'est un peu stagnant, ça, là. Ouais. Hein? Et non pas stagnant Baudin! Mais quel jeu de mots ce matin. Moi, je l'adore. Voici le Black Pub. Venez au beau marché. Oui, papa! Tout le monde! Je préfère le good. I love you and I kiss you. 4,99$ la minute. J'avais la transition parfaite pour une fois. J'ai fait un slogan, Stania Baudin, puis j'aurais dû dire, il parlait de slogan de marde. Voici le Black Pub. J'ai une transition parfaite, puis je l'ai mais pas utilisé. Mais c'est pas tous des slogans pourris, là. Non, mais il y en a beaucoup. Il y en a quand même. Tout le monde aime Marineland, on s'entend. C'est un peu plate, là. Ouais. C'est un petit peu plate comme slogan. Ouais, ouais. Qui a été payé pour ça? Bref, le Black Pub, c'est la chronique où on parle de marketing et d'idées de pub, que ce soit des panneaux publicitaires, des abribus, des côtés d'autobus, des bords d'autoroute. Peu importe, c'est comme ça qu'on en parle. Commençons par une initiative pour les sans-abri montréalais. Stania. Stania. je l'adore. L'agence Compagnie et Compagnie signe la campagne d'affichage de l'événement Le Temps d'une soupe organisée conjointement par l'ATSA et la Nuit des sans-abri de Montréal. L'ATSA et la Nuit des sans-abri de Montréal ont tenu un premier événement conjoint qui a eu lieu du 15 au 18 octobre à la place Émilie-Gamelin à Montréal. Cette rencontre artistique et de solidarité invitait la population à venir manger un bol de soupe et discuter avec des itinérants. Avec l'aide de l'organisme Le Sac à dos, l'équipe de Compagnie et Compagnie et le photographe Jean-François Lemire ont rencontré des itinérants. L'expérience a été enrichissante, disent-ils. On a croisé des gens passionnants, loquaces, qui avaient vraiment envie de raconter leur histoire. Son directeur de création et associé de Compagnie et Compagnie. Donc évidemment, faire avancer la cause des sans-abri. Il y en a beaucoup à Montréal. Oui. De plus en plus, alors... Et c'est pas en essayant de s'en débarrasser ou en installant des pics sur le bord des commerces pas qu'ils dorment qu'on va s'en défaire. Non, c'est sûr. Donc, leurs pancartes, leurs affiches, affichées sur des cordaleries, c'était des sans-abri, que ce soit hommes, femmes, noirs, blancs, peu importe, avec une petite pancarte qui tenait en carton dans leurs mains, qui disait « Venez chez moi le temps d'une soupe du 15 au 18 octobre, place Émilie-Gamelin. » Ça ressemble à ça. Ensuite, bonne initiative quand même. Oui, quand même. Maintenant, Toyota vous offre de faire un test routier de ses vieux véhicules. L'agence Bleu Blanc Rouge et l'Association des concessionnaires Toyota du Québec mettent en avant la fiabilité de la marque Toyota dans les rues de Boucherville. L'exécution est axée sur un sondage réalisé par le magazine américain Consumer Reports s'intéressant aux automobiles les plus fiables et les moins coûteuses en réparation parmi celles ayant atteint 200 000 miles, donc 300 000 km, oui. Parmi le top 10 de ce classement réalisé à partir de 2 millions de témoignages, figurent 5 modèles de Toyota, notamment la Prius et la Camry, qui occupent les deux premières places. Donc l'agence souhaitait démontrer la fiabilité de ces vieux modèles pour garantir la fiabilité des nouveaux, notamment la version berline de la Yaris 2016. Afin de réellement prouver cette fiabilité, l'initiative de terrain propose aux participants de faire un tour dans une de ces vieilles voitures dans le but de constater leur résistance après 30 ans. Ainsi, la marque affirme que ces nouveaux modèles tiendront aussi 3 décennies. Ils ont choisi la Tercel parce qu'il reste encore 31 000 Tercel sur les routes du Québec, mais que le dernier modèle commercialisé remonte à 1999. Est-ce que tu as vu qui fait l'essai routier avec toi? On regarde ça. Caméra 3. Caméra 3. Est-ce que j'ai pas encore la vidéo? Peut-être. Mais tu veux que je te dise? C'est l'ancien Marie à Saskatchewan. Saskatchewan, elle a une chance qu'elle n'a pas le nom de famille. Alpin, comme je viens de voir sur Facebook. Saskia Alpin, ça aurait été bizarre. Ouais, mais tu sais le gars là, qui fait les fameuses annonces de Toyota. Là. J'ai pas attribué ça. Ah. Ouais. En tout cas, si jamais vous étiez un de ceux-là, vous avez eu la chance de le côtoyer pendant un instant d'un essai routier. Voilà, voilà. Si je me souviens bien, Toyota vient d'être sacré le meilleur vendeur automobile en 2015. Ça se peut-tu que au Canada? Que de bonnes nouvelles pour eux. Ben, tu vois, quand tu te forces et que tu travailles fort, ben, c'est ça. Ça te récompense, et voilà. Comme on dit. Autre chose à dire sur la publicité vidéo? Non. Bon, voilà. J'aime pas ça pour avoir de vidéo, je trouve ça dommage. En tout cas. Maintenant, retour vers l'enfance avec Super Mario Maker. Le nouveau jeu de Nintendo qui est sorti début septembre, le 11 septembre en fait. Bemedia Vente a lancé une campagne multiplateforme pour le jeu Super Mario Maker qui est expressément faite pour le Québec. Une opération déployée sur les chaînes de Bell, donc Canal D, VRAC et Télétoon, sur canalvie.com aussi. Elle comporte 5 vidéos présentant Super Mario Maker sur la Wii U. Les animateurs François-Étienne Barré, Vanessa Pilon et Jean-François Barry partagent leurs souvenirs d'enfance du jeu vidéo de Nintendo avant d'y jouer. Les pubs dévoilent les nouvelles fonctionnalités du jeu, à savoir une totale liberté de personnalisation des tableaux. C'est vous qui fabriquez vos propres tableaux. En complément, canalvie.com propose un concours s'étalant sur 4 semaines. J'en ai regardé quelques-unes. J'ai trouvé que le script avait l'air un peu faux. C'est faux à mon oreille. Je trouvais que les trois avaient l'air de dire pas mal la même chose. Mais écoutons juste celle où tout le monde est là. Et là, je vois la vidéo. On voit les gens, les trois personnes s'asseoir sur un divan. Parce que tout est possible. Je peux créer des niveaux inattendus, les partager avec mes amis ou avec d'autres joueurs partout dans le monde en ligne. Tu vois comment c'est fait? Je pense que je vais faire un tableau sous l'eau. Les enfants aiment Bowser. Je vais y en mettre un, deux... On le voit faire une tour de base. OK, fait que tout ce que j'ai à faire, c'est de glisser puis de déposer des éléments. Tu sais, quand tu rajoutes le mot « fac », ça rend pas ça plus vrai. T'sais. C'est génial. C'est donc bien hot, c'est pas réel. Non. En passant par le style classique 8-bit au style du New Super Mario Bros. U. Il y a personne qui dit ça. De toute façon, François-Étienne Paré, c'est une des personnes les plus fake que j'ai jamais vues à la télé. Mais je l'aime bien. J'adore ce qu'il fait, mais je le trouve un petit peu trop théâtral dans son animation. Ou là, mon fils sera jamais capable de réussir. Tant mieux. Plein de planches. Bon, on a compris le principe, mais c'est ça, je trouve ça un petit peu... Tout le monde crée, tout le monde joue. J'aime l'initiative de faire des publicités directement pour le Québec. Oui, c'est une très bonne idée, mais comme toi, je veux dire que ça sonne un petit peu faux. Ça sonne beaucoup trop scripté. Oui, si on leur a donné des phrases à lire, puis ouais. je vais essayer de faire un tableau que mon fils ne pourra jamais battre. Ça, je trouve ça fake un petit peu. Ouais. Et surtout que Jean-François Pilon, et François-Étienne Paré disent exactement la même chose. Je vais faire un tableau que mon fils... que je vais pouvoir battre avec... on comprend. Ensuite, on parle de se battre avec Lucan, l'agence encore une fois compagnie qui a conçu la campagne de lancement de l'événement philanthropique Barbier contre le cancer pour recueillir des fonds au profit de l'organisme Lucan qui aide les enfants atteints du cancer. La campagne comprend une publicité de 30 secondes, un volet imprimé, des cartes postales et des autocollants, tous créés par compagnie et compagnie pour Barbier contre le cancer. Le message vidéo invite les hommes à venir se battre afin d'aider le combat des enfants touchés par la maladie. Le mouvement comprend la participation de plusieurs barbiers de Montréal et a pour but de soutenir l'organisme Lucan. Les meilleurs barbiers se mesureront amicalement le 12 novembre pour sélectionner le plus généreux, donc celui qui aura amassé le plus d'argent, et le plus artistique, donc celui dont la coupe aura obtenu le plus de votes sur Facebook. Le 12 novembre, ici on se bat, dit leur petit carton sur les portes des barbiers, avec l'adresse Barbier contre le cancer, et des publicités où tu as un enfant chauve, évidemment, à côté d'une chaise de barbier qui demande de venir le battre. Contre le cancer. Ne tenez pas le battre, mais tiens. Ouais, se battre non, contre le cancer. Ouais, on comprend le concept de ta phrase. Ça serait un peu déplacé, là, je trouve. Comme dans cette campagne de sneakers, de plus en plus de marques se concentrent sur le packaging, l'emballage, afin d'affirmer leur image et améliorer l'expérience consommateur. Donc, c'est Snickers qui continue dans l'élan de ses publicités « You're not you when you're hungry ». Vous avez vu les publicités en français, vous n'êtes pas vous quand vous êtes affamé. En étendant son concept à son emballage, la marque remplace son logo par des symptômes touchant les gens affamés comme grincheux, grognons ou dramatiques. L'idée de cette offensive est d'inciter les gens à partager les Snickers avec leurs amis présentant ces symptômes lorsqu'ils ont faim. Quand même assez simple comme concept. Là, on voit littéralement l'emballage avec Goofball, Spacey, Cranky, Loopy, Dramatic... À la place du logo Snickers, je crois que le logo de Snickers est tellement connu qu'on peut se permettre de le cacher quand même. Dans l'optique d'amélioration de l'expérience client, de plus en plus de marques travaillent le packaging de leurs produits. On parle entre autres de Bud Light, Bex et d'autres exemples, Coke, sur assemblagerequis.com. On remonte un peu en arrière au début du mois de septembre pour un stunt à saveur politique, Tania. OK. Le magazine Flèche a réalisé une cascade publicitaire utilisant les affiches électorales directement dans la rue. Le magazine Flèche a réalisé un coup de pub afin de promouvoir sa prochaine édition, comme l'a remarqué Influence Communication, rapporté ici par Infopresse.com. Le périodique profite de la campagne pour déployer un rapide coup d'éclat en mettant directement les affiches électorales à profit. Donc, c'est un concept de récupération d'affiches presque identique qui avait été mis en place en 2003 et un autre de Workopolis en 2013. Mais c'est simple, on prend les affiches des campagnes publicitaires des différents partis et on ajoute une deuxième affiche en dessous qui vient comme un peu compléter l'affiche, comme si ça faisait partie de l'affiche d'origine. Donc, si on a la tête et les épaules du candidat du Parti conservateur, on va voir le reste de son torse et ses jambes sur le bas de l'affiche. Et ça va dire, dès le 29 octobre, gratuit, un magazine qui a fait ses preuves. Il a évidemment envoyé le magazine La Flèche. Il avait le magazine La Flèche dans ses mains depuis le début, puis on ne savait pas des affiches. C'est très drôle comme... comme publicité. C'est j'aime parfait. Bien. C'est, l'imitation est parfaite et il a fallu vraiment qu'ils prennent des photos, qu'ils se renseignent pour pouvoir faire exactement la même, pour que le bras continue la lignée de l'épaule de Gilles Duceppe. Ça a été fait seulement à Gatineau, hein, je pense. Oui, c'est ça. C'est des candidats ou le conservateur dans Gatineau, Luc Angers. Évidemment, Gilles Duceppe, tu avais Stephen McKinnon du Parti libéral, Françoise Boivin du NPD, qui était là pour ses affiches-là. En fait, il n'était pas là. Il faut connaître le corps de la personne aussi. Il faut avoir regardé les photos du corps parce que tu pourrais insulter quelqu'un en le rendant plus gros que nécessaire. En tout cas, mais c'est réussi. Ensuite, mettre en lumière la réalité d'Alzheimer. Le bureau montréalais de l'agence John Street collabore avec la Fédération québécoise des sociétés d'Alzheimer pour sensibiliser le public à la maladie avec de l'affichage sur panneau, une présence dans les journaux. Pour souligner la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer le 21 septembre, l'agence John Street a lancé ce même jour une campagne déclinée dans les journaux et sur les panneaux. Nous devons continuer la sensibilisation afin de nous donner les outils pour mieux accompagner les personnes atteintes, disent-ils. Le concept illustre en image le principal symptôme de la maladie qui est l'oubli. Donc l'offensive met en lumière la mission de soutien des sociétés Alzheimer envers les personnes atteintes et leurs proches. Plus de 125 000 Québécois sont atteints de la maladie d'Alzheimer. Donc ici, on a cœur, par exemple, sur l'épaule et le bras d'une personne d'âge, hein, on va se le dire. Et le cœur, à l'intérieur, il n'y a rien. Donc c'est un cœur avec un bandeau, comme il y aurait écrit « mom » dessus, genre, mais à la place, il n'y a rien d'écrit. Et l'autre, c'est une fleur sur l'avant-bras de quelqu'un avec un prénom, Olivia, et un point d'interrogation, comme... C'est vraiment Olivia, son nom? Mm-hmm. Je ne me rappelle plus. Donc une très, très, très, très bonne idée de tatou. Peut-être c'est, pas c'est dans très la bien. Vraie vie. J'aime bien. Oui, j'adore ça. Même que ça pourrait être un tatou interactif, ça pourrait être... tu te fais tatouer ça, le cœur vide, mm-hmm. puis tu rajoutes au Sharpie Délibile. Tu il s'efface, là, je pense pas que ça existe. Comme si tu peux rajouter la personne que tu veux. Mettons que tu changes de mère tout le temps. Je vais pas me prononcer là-dessus. Là. Moi, j'ai la même depuis 24 ans. Who's your mommy? T'as pas encore 24. Le ciblage publicitaire arrive à la télé. Après NBC Universal, Canal+ s'inspire de la publicité ciblée proposée sur le web afin de ne pas voir fondre ses revenus publicitaires au profit de la publicité sur Internet. Le ciblage à la télé procure une plus grande précision en combinant les mêmes données que la publicité sur Internet, plutôt que d'utiliser les simples données démographiques fournies par Nielsen qui ne prennent en compte que le sexe et l'âge des téléspectateurs, les chaînes déterminent plus précisément les profils des téléspectateurs afin de proposer une pub plus personnalisée. En France, donc, le groupe Canal+ amorcera ce projet en 2016, mais ne l'appliquera que pour les chaînes visionnées à partir d'Internet. Donc, la chaîne va diffuser des messages différents en fonction du canal utilisé. Les pubs d'une même émission ne seront pas les mêmes selon si elle est regardée avec une télévision ou par Internet. Puis, la chaîne proposera un ciblage en fonction du profil de l'internaute branché. Finalement, en 2017, Canal+ adaptera cette capacité technique au téléviseur avec les décodeurs employés pour la réception de la chaîne. L'objectif est de se projeter dès maintenant à l'horizon des trois prochaines années pour incarner la télé de demain. Les chaînes du groupe M6 et France Télévisions proposeront ainsi des publicités s'adaptant à l'actualité et procurant ainsi aux médias plus de réactivité publicitaire. Les marques pourront alors adapter leur message en fonction d'un événement apparu le même jour. Par exemple, le commanditaire pourra souligner la performance d'un de ses athlètes. On peut que dire cool à ça. Je veux dire, ça nous affectera pas plus qu'il faut. Si on peut tout autant les skipper quand on enregistre l'émission, il n'y a aucun problème. Moi, je crains le jour où, quand tu vas vouloir skipper une publicité, tu vas pouvoir skipper l'émission, mais rendu à la publicité, ça ne voudra plus skipper. Je crains ce jour-là. Ça va venir un jour, ça la technologie. Ça va probablement venir, ouais. Parce que présentement, qui regarde des pubs quand ils ne regardent pas leur émission live et qui regarde la télé live? Les émissions, genre les téléromans, passer 20 minutes par heure à regarder de la pub, je refuse, mais catégoriquement. T'sais. Ouais, mais c'est parce qu'en théorie, tu peux te lever et faire autre chose pendant la pub. Moi, en théorie, je préfère faire pause au début de l'émission, aller faire mes affaires, revenir puis regarder l'émission One Shot. Ouais. Vu de même, hein? En tout cas... Vu de même! Hein, regarde. LG2 signe pour Arctic Gardens, une campagne devant aider les parents à faire manger des légumes à leurs enfants. L'offensive se décline sous trois exécutions en affichage et en imprimé et souligne la variété de légumes de la marque afin d'aider les parents à faire manger leurs enfants. Elle présente Arctic Gardens comme une solution pour faire aimer les légumes aux jeunes sous l'angle « enlever les grimaces ». Donc sur les publicités imprimées, on voit des enfants avec le regard souriant et sur leur tête, ils ont un masque avec un élastique autour de la tête et le masque est dans les airs sur leur front et c'était une grimace d'eux en train de regarder leurs légumes. Mais il y a une des petites filles qui a quand même pas l'air contente. même à la fin, j'avoue qu'elle a l'air comme miam, ça a donc bien l'air bon, super et sarcastique. Voilà. J'avoue que peut-être que le talent d'actrice aurait pu être mieux réalisé par le réalisateur de ça, qui était Emily Heckman. Allô à toi. Non, direction artistique, Marie-Hélène Lavoie, on va dire. On va blâmer Madame Lavoie. Ensuite, je me demandais si on en parlait de celui-là. OK. Ça a fait le tour des réseaux sociaux, on en parlait à d'autres radios. Oh. Je me demande si ça vaut la peine d'en parler, mais si vous écoutez C'est fou que vous avez pas entendu parler de ça, ben peut-être tant que ça. Je pense que ça vaut la peine d'en parler parce que c'est vraiment pourri. Analysons ça à notre façon. C'est Orange Télécom en France qui est allé d'une pub mettant en vedette la parodie d'un Québécois dont l'accent le trahit. Avec cette exécution, on nous dit l'entreprise de télécommunications française voulait promouvoir sa plateforme, entre guillemets, mieux vous comprendre pour mieux vous aider, voilà. Dans la même série, ils ont aussi fait une pub avec un vieux monsieur. Il y a aussi Working Girl et le personnage Fodor de la série Game of Thrones. Mais celle qui fait le tour du web en ce moment, c'est celle d'un Québécois. Donc on va écouter ça, puis on en parle en même temps, genre, parce que c'est un peu long, ouais. Je trouve. On voit un homme arriver avec les pieds mouillés, son casque de moto dans un magasin de cellulaire. Il lève son casque. Le gars au comptoir l'accueille. Il s'enfarge. Allô, vous autres. Bon, les jeunes croisent un pickpocket, hein? Besoin de sous-titres? Ça, c'est le vendeur, évidemment, besoin de sous-titres. Il clique sur le bouton. Apparemment, il n'y avait pas le temps de bretter. J'ai ma journée encore, les deux yeux dans le même trou. J'ai eu une dure journée. Ma blonde. J'ai parqué le bike en double fil. Je suis carré en double fil. J'en peux plus, je pète ma coche. Je suis un customer tout ce qui est plus loyal. T'es un customer. C'est vrai que c'est tannant, cette affaire-là. Mais tire-toi une bûche, puis attache-toi dessus que je m'en vais te prêter en cellulaire, tout neuf. Puis pas dispendieux, puisque je suis prêt for free. Oui, il prête for free. Bienvenue. Mieux vous comprendre pour mieux vous aider. Chez Orange, avec le service 24 heures garantie, nous prêtons un smartphone immédiatement. Garé en double fil, puis... Chris Mahot, ici. Ah, c'est Chris Mahot, ici. Ouais, c'est ça, Chris Mahot. Ouais, ils sont assis à un petit banc, puis genre... J'ai l'impression que le gars, peut-être, qui a déjà passé du temps au Québec... Oui. Peut-être même qu'il est Québécois à la base, mais français d'adoption... Le réalisateur lui a demandé de parler comme ça. Mais semblerait, je me souviens plus où j'ai vu ça exactement, mais semblerait que juste cette pub-là, c'était un gag. Non, mais c'est vraiment d'Orange, là. Peut-être que c'était un gag comme dans le sens que la compagnie voulait faire un gag, mais ça vient littéralement d'Orange, là. Est-ce que tu veux voir d'autres publicités de leur campagne, voir si c'est meilleur? Ouais, on essaie une avec, je suis pas certaine. On va essayer le grand papa, OK? Le papy. Il regarde par la fenêtre, le vieux monsieur, voit sa voisine entrer par la clôture. Elle fait salut, elle est sexy. Il entre dans la maison. Je comprends rien. Lui donne une tablette. Ça, c'est la plaquette que les petits m'ont offert pour Noël, pour que je skip avec eux. C'est la plaquette. Besoin de sous-titres? J'arrive pas à rentrer le truc dans le bazar, là. Il arrive pas à installer l'application. Il me demande de mettre quelque chose, là, dans le fourbi, là, je comprends pas. Ça marche pas, ce truc-là. Je vais vous expliquer. Vous prenez votre plaquette. Le quelque chose par défaut du bazar, c'est 0000. Ça, c'est le code. Ensuite, pour vous vrai. Cliquez sur le truc, et là, vous cherchez le machin. Par c'est exemple, skip. Et si jamais vous avez encore un problème de plaquette, eh ben, vous nous rappelez. Et puis, est-ce que c'est censé être québécois? Non. Ok. Pas dans ce cas-ci. Mieux vous comprendre. Tu comprends? Mieux vous aider. Donc, c'est tout le temps quelqu'un qu'on comprendrait pas et qu'on a besoin de comprendre. Donc, Orange est là pour les aider. Tu comprends? Ok. C'est un peu ça, là. C'est un peu boiteux comme idée. Mais c'est pas mauvais au départ, tu sais, des affaires qu'on comprend pas, comme une personne âgée qui te parle de sa plaquette. Mm. Ça se peut que tu comprennes pas un Québécois qui arrive avec ses crissements hot site. Ouais, bizarre. C'est. Mais c'est ça peut être une, c'est ça, c'est, dans le sens que Orange, oui, a fait des parodies des gens, c'est comme une parodie d'une personne âgée, une parodie d'un Québécois. Mm-hmm. Mais en tant que tel, c'est quand même ce qu'il pense qu'un Québécois dit, mettons. Genre. Ensuite, on parle d'hydratants pour peau mouillée Jergens installés dans les douches des centres sportifs du réseau Zoom Marketing Actif. On connaît tous Zoom, ici même à l'UQTR, il y a des pancartes Zoom un petit peu partout. Mm-hmm. Donc Zoom Marketing Actif a pu offrir et créer un environnement confortable, pratique et logique aux produits. Dans le cadre d'une campagne entièrement intégrée, l'agence, ça c'est du marketing, hein? Oui. L'agence KO Canada a déployé l'hydratant pour peau mouillée Jergens dans les douches des centres sportifs Good Life Fitness et Énergie Cardio. Là, c'est une version de l'autre, Good Life étant l'équivalent anglophone. Du réseau de Zoom Marketing Actif en collaboration avec l'agence partenaire Free for All Marketing. For free, comme dirait un Québécois. Hein? On dit ça. Hey, hein, je le donne for free. Les femmes membres des centres sportifs de partout au Canada ont pu tester le produit directement dans les vestiaires après chaque entraînement grâce à un distributeur bien identifié à la marque installé dans chaque cabine. Un distributeur de Jergens dans la douche. Quand même pas affreux comme idée. Là. C'est une bonne idée, en fait. Si tu veux te faire voir, les gens vont voir le Jergens, vont se procurer du Jergens après parce que c'est doux et ça sent bon. Puis tout le monde prend sa douche après avoir été au gym. Ben j'espère. Sinon, ne nous approchez pas. Hein? Bonne idée. Bonne idée de la part de Jergens. Très bonne idée. Une autre bonne idée de la part de Boston Pizza et de Rona, as-tu vu ça? Non, j'ai pas vu. Dans le cadre d'une promotion conjointe entre la chaîne de restaurants Boston Pizza et le détaillant et distributeur canadien d'articles de quincaillerie Rona, la pizza au pepperoni est rebaptisée jusqu'au 15 novembre pour célébrer l'association. La Pepperona est mise de l'avant dans une campagne de Sidley depuis le 13 octobre. L'offensive est déclinée sur le web et à la radio. Le déploiement compte également un volet numérique, une visibilité en magasin et invite les Québécois à visiter le microsite peperona.ca pour la chance de remporter des prix. Ça vaudrait la peine d'entendre le message radio, même si c'est une publicité, même s'ils n'ont pas payé pour ça. On va juste entendre une minuscule publicité, on n'ira pas jusqu'à la fin. On va essayer en tout cas. Whoa, sounds like your drill's struggling a little. What are you talking about? Great, now you need a new one. All right, I'm going to Boston Pizza. Mm-hmm. Funny guy. Was he serious? Right now, when you buy a pizza at Boston Pizza, you get 15% off the product of your choice. Donc, quand t'achètes une pizza chez Boston Pizza, t'as 15% sur le produit de ton choix. T'as la version québécoise aussi, ouais, en dessous. Ouais, mais celle-là, j'imagine qu'elle joue pas mal à la radio, celle-là. Je sais pas. Ouais, on va laisser bien. Hey! Hey, tout le monde! Excusez! Ouais. Ouais. Avez-vous faim, vous autres? Ouais. C'est bon, je m'en vais chez Rona. Parfait. Y as-tu dit Rona? En ce moment, avec tout... On comprend l'idée? On comprend l'idée. On comprend l'idée. C'est pas une pub qu'on joue là, hein? C'est pas pire. Mais, en tant que tel, le lien est quand même un petit peu douteux. Mais je pense que juste pour le jeu de mots, ça vaut la peine. Pour Pépé Renan, ça, je suis d'accord avec toi, ça vaut la peine. Des fois, ça commence par un jeu de mots. Ouais. Dans mon cas, ça commence toujours par un jeu de mots. Souvent. La plupart du temps, quoi. Oui. Tiens, on va rester dans le fast-food. Un stunt, une campagne d'affichage pour que tout le monde sache que les tomates sont fraîches chez Burger King en France. Pour promouvoir la fraîcheur de ses produits Burger King en France avec son agence Buzzman, on a distribué 100 000 tomates fraîches du 9 au 26 septembre autour des restaurants de l'enseigne. Les passants, oui, pouvaient rapporter la tomate dans un restaurant Burger King et se voyaient offrir gratuitement un Whopper Junior à la condition que la tomate soit encore fraîche. C'est une bonne idée. Ben oui, une campagne d'affichage national faisait la promotion des tomates fraîches utilisées par Burger King. Écoutons juste un instant le message de Burger King. Chez Burger King, nous n'utilisons que des tomates fraîches pour nos burgers. Des tomates bien rouges et savoureuses, livrées et coupées en restaurant tous les matins. On voit quelqu'un transporter des tomates, mais évidemment. Mais si vous voulez vraiment apprécier la qualité de nos tomates, il faut les toucher, il faut les sentir. Elle sent et touche, là. Burger King présente The Fresh Promotion. Oh boy! Nos producteurs nous ont livré plus de 100 000 tomates fraîches. Pendant plus de 3 semaines, nous les avons distribuées à proximité de tous les Burger King de France. Et comme nous n'utilisons que des tomates fraîches, si vous les rapportiez en restaurant à temps, nos équipes vous préparaient et vous offraient un Whopper Junior. The Fresh Promotion, la meilleure façon de vous montrer que nos tomates sont fraîches. Ah, les maudits Français! Ouais, c'est la pub française. Par qui contre, m'énerve. L'idée est excellente. L'idée est fantastique. J'adore ça. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Je veux qu'on fasse ça partout. Des tomates fraîches, c'est un message parfait, livré parfaitement. Il n'y a rien à redire. Mais The Fresh Promotion dans tous les Burger King, ça me tape sur le gros nerf. Ouais, mais ils sont français, on peut pas. Oui, on peut. Non, on peut pas vraiment juger l'accent. Pas mal sûr qu'on peut. Tu vas te faire juger là si tu fais ça, Mathieu. Si tu dis The Fresh Promotion, je te juge que tu sois québécois ou français, c'est pas ta provenance, c'est ton fandancisme. Ouais. C'est nerf. D'accord. On prend une pause au retour, plus de Black Pub, puis après ça Tania, puis après ça d'autres choses. À son âge requis. The Fresh Promotion. The Fresh Promotion. Vous êtes assez fou. 89.1. Assemblage requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Je suis tellement pas gaucher que j'ai tendance à double-cliquer sur mon plein quand je pars un intro. C'est pour ça que ça a skippé. Mon doigt gauche est pas pareil comme mon doigt droit. Mon index. On en a souvent discuté de ça. De nos doigts? Ben de... Tout le temps, c'est un sujet récurrent. De nos côtés de main? Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Hey, parlons-en. Parlons-en, Tania. Ouais. C'est drôle, ça. Ben oui. Est-ce que t'es prête à mettre ta vie sur la table? Je suis prête à mettre ma vie, tout dépendant de quoi on parle. Parle-nous de comment tu coupes tes œufs. Ah ouais! C'est gênant, mais ouais, c'est drôle. Mais c'est gênant, c'est surtout gênant sur le fait que je sais pas couper dans la vie. J'ai vraiment beaucoup de difficultés à couper mes choses dans la vie. Et j'ai récemment compris pourquoi, grâce à toi. À moi! Parce que tes parents t'ont éduqué comme une droitière, finalement. Exactement. Ben, mes parents sont tous les deux droitiers. Mon frère est droitier et je suis la seule gauchère dans la maison. Alors, évidemment, quand j'étais petite et on me montrait à couper comme si j'étais une droitière. Par contre, j'ai toujours eu de la difficulté à couper mes choses. Et récemment, je suis allée dîner avec toi. Et là... un déjeuner en passant, oui. On jasait justement du fait que j'étais gauchère, puis je me souviens plus pourquoi c'est venu sur le sujet, et t'as comme regardé comment je coupais, puis t'étais comme, mais pourquoi est-ce que tu coupes de la main droite? Ben, c'est parce que Tania coupait du même sens que moi je coupe étant droitier. T'sais, quand t'es droitier, tu manges avec ta fourchette dans la main droite, et ton couteau il est sur la table, bon. Et quand tu te mets à couper, tu vas transférer ta fourchette dans la main gauche, et tu vas couper de la main droite, t'sais. Mm-hmm. Mais elle faisait le contraire, donc je me disais, si, elle prenait le couteau de la même main. Qu'un droitier, je le faisais comme toi. C'est ça. Donc, ça n'avait aucun sens d'être à l'envers comme ça. Et ça l'a remise en question. Et je pense qu'elle m'a rappelé 10 fois, genre, que ça avait changé sa vie. Mais oui, tout à fait. Parce que maintenant, j'ai compris que je suis capable de couper comme il faut et que je peux ne pas avoir l'air d'une cruche si je vais au restaurant. C'est ça. Mais tu sais, ayant vécu avec une fille gauchère pendant 6 ans et demi, ouais. Mon ex est gauchère, je le vois que son cerveau fait tout à l'envers. Que ce soit débarrer une porte, elle va tout le temps par défaut le faire dans le mauvais sens, puis après ça, le faire dans le bon sens. Mm-hmm. Les gauchers, leur cerveau est programmé à l'envers. T'sais. C'est vrai. C'est complètement ça. Et tout est à l'envers. Donc, pensez au fait que votre enfant, si vous êtes tous les deux droitiers, les parents, que votre enfant il doit être éduqué à l'envers de vous. Mais je porte ma montre comme une droitière. Oui, mais on justement, en c'est spécial. Sûrement ouais. Tes parents t'ont montré à mettre ta montre là, mais quand t'écris, ça doit aller mal. T'es supposé mettre ta montre dans la main avec laquelle tu n'écris pas. C'est pas si pire. Ouais. Ouais, mais quand même, on s'entend que c'est pas la normale, la chose. Tous les gauchers ouais. De ce monde, si vous écoutez, vous avez probablement votre montre dans la main droite. Tout à fait. Sur la main droite, ou peu importe. Sauf moi. Sauf toi, parce que t'es spécial. Voilà. Voilà, c'est une tranche de vie. On aime ça une fois de temps en temps, ben cette oui. Tranche de vie. C'est comme, de toute façon, un matin, on a le temps. Une tranche de vie extra pain ménage. Oui. On l'appelle. Avant de continuer avec une deuxième partie du bloc pub, allons-y avec un extrait de Pony. Oui, L'amour-argent. Une pièce que ça fait peut-être quelques temps qu'on n'a pas entendu, ouais. Mais qu'on aime bien. Oui, puis comme on parlait de pub, ben ça fait avec tout à fait. Le kit de faire de l'argent. Uh-huh. C'est un assemblage requis, puis en plus, les petits oiseaux sortent. Oh, les petits oiseaux! On voit plus la jardinière, mais souvent, en avant du... Non, hein, je pense qu'elle est en relâche, celle aussi. Je pense que ouais, c'est la relâche. Ou l'hiver commence. Peut-être. Thank you. perdu le reste de ma tête confondue. La guerre avec la fête pour être avec toi, contre toi. Je t'attaque et je veux que tu m'aimes, je détraque et me surprends moi-même à glisser comme une ombre dans ton monde. Sans toi, je fais les 100 pas qui mènent à notre prochain rendez-vous. Prends-moi ou alors rends-moi. Je suis folle de vouloir te rendre fou. Je ne sais plus ni quoi faire ni quoi dire. Donne-moi la raison de ce délire. Là, je perds tous mes moyens, mais si tu pars, je fonctionne encore moins. Sans toi, je fais les 100 pas qui mènent à notre prochain rendez-vous. Prends-moi ou alors rends-moi. Je suis te rendre fou. Tous ces détours que je connais par cœur pour éviter ce chemin qui fait peur. Nous verrons bien demain où nous serons si on s'arrête de tourner en rond. Joël Saint-Pierre et 100 pas précédé de Pony et l'amour argent, assemblage requis. Je suis en train de vous dire qu'on a eu un petit problème avec l'ordinateur du studio. Petit plantage écran bleu de la mort de Windows, comme ça arrive une fois de temps en temps. C'est comme ça, hein? On n'a pas le choix. Non, technologie veut. Ça arrive, puis c'est en train de se réparer. Ça va revenir dans deux instants, mais pour l'instant, on doit écouter une autre chanson. Oui, qui est d'aimer encore plus fort. Assemblage requis, on revient avec entre autres Tania Baudin. Ouais. Yeah. encore plus fort de démer à Assemblage Requis. Yeah. Hey, vous arrivez juste à temps si vous étiez parti. J'espère que vous partez pas pendant l'émission. J'espère. Ben non. C'est Tania Baudin et voici une édition Halloween de Tania is Gonna Entertain. C'était une petite Tania qui voulait être pour des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant c'est l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain ya. Je suis viril. Hey! Quel thème musical Halloween, ben oui. Mathieu. C'est métal, c'est full Halloween. C'est full Halloween. Ça aura peut-être une autre demain. Peut-être. Différente, mais similaire. Qui sait? C'est hey, donc, merci. Ça on aurait plaisir. Fait mon thème musical juste pour ma chronique de cette semaine. Juste pour ça. Juste pour ça. J'ai pris un beau gros là, 10 minutes à peu près. J'en doute ça paraît-tu. Donc oui, thématique d'Halloween depuis hier et jusqu'à jeudi, donc toute la semaine. Exactement. Et de quoi on parle aujourd'hui plus spécifiquement? Plus spécifiquement, eh bien, comment arriver à faire le party d'Halloween le plus plaisant? Ah, oh, bonne idée. Ouais. Ben oui. Donc, j'ai fouillé Internet, en fait, encore une fois. Et là, je dois dire que je l'ai vraiment fouillé de fond en comble. Et j'ai trouvé quelques trucs, en fait, et quelques listes de choses que l'on doit absolument avoir ou faire pour avoir un party d'Halloween vraiment excellent. Mémorable. Mémorable. Et là, je tiens à dire que ça dépend si vous voulez faire un party de famille d'Halloween, si vous voulez faire un party d'enfants, ou si vous êtes, je sais pas moi, en colocation, puis vous et vos amis, vous voulez faire un mosus de beau gros party d'Halloween qui va finir ou qui va y avoir des amis couchés partout. Ben oui! Eh bien... quasiment mort! C'est ça! Eh bien, ça dépend, mais tout est ajustable. Alors, on va voir au travers de la chronique, on va s'approprier ça. Et bien, peut-être, qui sait, peut-être aurons-nous un super de gros party d'Halloween. Ça serait malade. À l'écuyer, il y a un bal d'Halloween. Et je comprends pas comment ça qu'ils ont pas appelé ça un Halloween. C'est pas ça qu'ils ont fait? Non, c'est juste le bal d'Halloween. Je trouve que c'est une opportunité ratée, moi. C'est la semaine prochaine, hein, en plus. C'est oui. pas cette fin de semaine. C'est ça. En tout cas. Alors, le point numéro un, est-ce qu'on y va avec thème ou pas de thème? Si on décide de faire un party d'Halloween, que ce soit avec nos colocs ou par nous-mêmes, bien, on a le choix de décider si on fait une soirée thématique ou non. On peut très bien faire une thématique. Exemple, on dit à nos amis, bien, OK, party d'Halloween seulement Disney. Donc, évidemment, tout le monde va devoir... Let it go! C'est ça. Tout le monde va devoir se déguiser en un personnage de Walt Disney. Tout le monde va être à ça. Évidemment. Je vous dirais que probablement que moi, cette idée-là, je la ferais beaucoup plus sur un party juste de filles. Parce que t'es un petit peu sexiste, non, on va le dire. Je suis pas un petit peu sexiste, mais je pense que les gars ont beaucoup moins d'appartenance à tout ce qui est personnage Disney que les filles. Tout le monde devrait avoir de l'appartenance. Est-ce que ça l'attend d'avoir de l'appartenance à... Tout à fait Tania d'accord. Baudin. Je suis tout à fait d'accord. Je discrimine personne bon. Ici. J'essaie de te faire discriminer les gens, ça marche pas. Non, je sais, je le fais plus. Est-ce que t'as mentionné le petit Jérémy? Non. OK, j'ai entendu ça. Oui, mais... mais c'était en dessous de ta barbe. C'est ça. Et voilà. Ou bien encore, on peut faire une thématique beaucoup plus effrayante. Tu sais, exemple, dire thématique zombie ou thématique vampire. Et là, évidemment, on va voir ça plus souvent du côté adulte que du côté... je voudrais pas dire enfant, mais du côté plus jeune. Plus jeune, oui. On a aussi l'option la plus classique qui est de laisser tout le monde décider de leur idée de costume sans thème. Certains vont arriver moyennement habillés, mais ça, c'est aussi un classique de jeune adulte ou adolescent. Ouais, ouais. Je pense pas qu'on puisse s'en passer, alors... On s'en passerait pas, en fait. Et voilà, ça reste à votre discrétion si jamais vous voulez avoir des collégiennes sexy dans votre appartement ou si jamais vous voulez juste voir des zombies, bien, allez-y avec votre logique, hein? C'est au goût. C'est ça, au goût. Puis surtout, demandez à vos amis, vous, est-ce que vous seriez down pour un party d'Halloween thématique? Est-ce que vous seriez partant pour juste y aller comme à la bonne franquette, évidemment? Mm-hmm. Comme la plupart du temps, on voit, un party d'Halloween, ça va souvent être à la bonne franquette. Mais j'avoue que l'idée de la thématique est vraiment une très bonne idée. Ouais. Le point numéro 2 qui est très important d'avoir pour un super giga party d'Halloween, évidemment, c'est la décoration. Ben oui. Je pense que le plus important, selon moi, dans un party d'Halloween entre amis ou entre famille, c'est évidemment d'avoir des décorations mises en place pour l'événement. On peut pas s'en passer. On n'oublie pas les classiques couleurs orange et noir. C'est juste comme logique. Alors, le plus qu'on peut en mettre, le mieux c'est, j'imagine. Les citrouilles, ça en prend. Pas seulement une, là. Non, non. On s'entend, là. On peut en abuser. Minimum 5. Minimum 5? Hey! T'as un chiffre là-dessus? Ça se attends, attends, on dit environ 5. Environ 5. Environ 5. Plus ou moins. C'est, on arrondit c'est à ça. 5. On ouais. arrondit à 5. Ça se vend quoi, là? Une pièce et demie à l'épicerie? Je sais pas, j'ai jamais acheté une citrouille, moi. C'est tellement pas cher, une citrouille, là. Et c'est la thématique, l'emblème de l'Halloween. Ben. Alors oui, on en achète, on les creuse... Puis on met des chandelles dedans. Ben oui. Tu sais, on veut que ça fasse peur, un party d'Halloween, la plupart du temps. Alors, allez-y. Côté citrouille, moi, numéro un, j'adore ça. Ouais. Avant que tu passes à ton prochain point, non, oui. vous n'avez pas de problème avec votre voiture, c'est dans le fond qu'il y a des cris. Oui, c'est ça. Les gens pourraient dire, coudonc, qu'est-ce qu'il y a mon char? Eh bien, non. Non, c'est dans le fond. C'est la thématique Halloween. Peut-être que demain, la musique continuera à jouer à la place. C'est ça, peut-être. Peut-être, on fait des tests. On décore aussi l'extérieur. Si on vit dans une maison, bien là, allez-y à la bonne franquette. Faites-vous plaisir, des pierres tombales partout. Oui. On se rappelle, il y a des gosseux de pierres tombales ici à Trois-Rivières. Il y a ça? Non, mais c'est une blague, là. On va pas chercher des vraies pierres tombales. Je suis donc bien naïf. C'est une blague, c'est une blague. Ça coûte très cher, des pierres tombales. Mais Walmart, pour nommer que ce commerce-là, évidemment, va avoir toutes les décorations que vous avez besoin pour un bon party d'Halloween, puis pour décorer l'extérieur de votre maison. Faites comme si votre maison était vivante. Si vous avez le droit de vous déguiser, votre maison a le droit aussi. Aussi. À l'intérieur comme à l'extérieur. Et voilà. Mettons, tu te déguises de l'intérieur, c'est un peu bizarre. Ouais, c'est sûr. Toi, mettons. Mais si vous êtes en appartement, si vous faites un party dans une résidence ou bien vous habitez tout simplement pas dans une maison, vous ne pouvez pas vraiment décorer l'extérieur, faites-vous plaisir, en fait, décorer votre porte pour que vos amis, vos invités sachent que c'est chez vous. Les toiles d'araignée, là, c'est vite fait, bien fait, puis ça coûte vraiment pas cher, hein? C'est ça, aller dans le grenier, il y en a plein. C'est ça. Puis les petites araignées en plastique aussi, ça se vend vraiment pas cher. Et croyez-moi, s'il y a des filles qui viennent à votre party, c'est sûr que ça va créer. Hey! Encore des filles! Moi aussi, j'ai peur des araignées en plastique. Ok. Je suis pas une fille. Ok, vos invités c'est auront ça. Peur de vos araignées en plastique. Voilà. Si on cherche des idées hors du commun, des idées originales, je pense que l'allié numéro un de tous les temps, c'est sans contredit Pinterest. Okay, ces oui, temps-ci. Oui. Alors, c'est facile, allez y faire un tour, taper tout simplement « décor Halloween », puis c'est sûr que vous allez avoir une panoplie d'idées. Le point numéro 3, là, c'est plus une question, en fait. Est-ce qu'on fait des activités? Ah, des petits jeux? Ouais. Je sais pas. C'est comme un party de Noël, mettons? Il faut que tu mettes la queue sur l'âne, on sait pas. T'sais. C'est ça. Ouais. Bien. C'est un peu à votre guise, hein? Encore une fois, ça dépend de la lignée que vous voulez donner à votre party d'Halloween. Évidemment, la plupart du temps, si on devient, si on est à l'université, au collège ou qu'on est de jeunes adultes frivoles, eh bien, je vous dirais que l'activité va probablement prendre le bord et l'alcool va devenir l'activité numéro un. Ouais, ou ça mais va être 7 minutes in heaven, genre. C'est ça. C'est dans le garde-robe à embrasser quelqu'un. Et ou voilà. Tourne la bouteille. Tourne la bouteille, joue à la bouteille. C'est quand la dernière fois que tu as joué à ça, toi? J'ai déjà joué à ça. Je sais pas. Ça moi, ça remonte à il y a très longtemps. Il y a juste la TV qui joue à ça. C'est ça, c'est vrai. Hein? Alors, évidemment, c'est à la guise des gens qui reçoivent, comme je disais, mais si l'idée de faire quelques activités viennent à l'esprit. Exemple, en début de soirée, bien souvent, quand l'alcool n'a pas encore tapé. Eh bien, voici quelques idées. Vous pouvez faire un concours de costumes. Quand même, même si vous achetez un giga sac de bonbons ou une récompense comme une carte cadeau, je pense qu'un concours de costumes à l'Halloween, c'est toujours plaisant et ça va peut-être mettre vos invités beaucoup plus alertes pour trouver le costume, puis pour se déguiser de façon assez incroyable. Mm-hmm. Concours de momification. Oh, wow! Du papier de toilette? Oui, avec, évidemment, du papier de toilette. En équipe, c'est pas mal plus motivant. Je pense que les gens vont beaucoup plus embarquer si on y va en équipe. Donc, c'est pas très, très compliqué, là. Tu sais, t'achètes 3 rouleaux de papier de toilette pour chaque équipe, puis... OK. Concours de momification. Wow! C'est charmant. C'est très charmant. C'est super charmant. Ouais. certains sites internet vont proposer des jeux d'alcool pour les parties, un peu plus téméraires, évidemment. Simplement se rappeler que la modération a bien meilleur goût et que ça peut parfois être dangereux de faire des jeux d'alcool, OK? 18 ans et plus, détail en magasin. Et voilà, 18 ans et plus, et s'il vous plaît, on ne mélange pas. Non! La plupart du temps, surtout dans les parties d'Halloween, la plupart du temps, tu vas avoir comme des bonbons partout, puis de l'alcool bien fort. C'est qu'on mélange pas les bonbons puis l'alcool? Ben, c'est que si tu veux pas dégobiller ta vie... Ah oui, c'est vrai. Mais le sucré sucre avec l'alcool, ouais. Exactement, c'est peut-être pas le meilleur mélange pour que ça reste dans ton estomac. Miam! Avant de passer au prochain point, parce que je vais vous avouer que les deux prochains points sont quand même un petit peu plus longs, on va écouter... Comme ça, là, en plein milieu de ma chronique. Là. Genre, on fait des spéciaux pour l'Halloween. C'est ça. En fait, au départ, c'était ce qu'on voulait faire à chaque chronique. Ouais, sauf que les chroniques sont tellement longues qu'on le fait plus. T'sais. Mais ouais. Bien, en fait, on va aller écouter une chanson que j'aime bien et que je trouve qui fait quand même une thématique Halloween. C'est Meg Myers avec Make a Shadow. Et au retour, ma chronique encore. Yeah. Make a Shadow de Meg Myers. Tout juste avant cette petite pause musicale, eh bien, on vous a parlé de si on faisait une soirée à thématique, les décorations, on n'a jamais oublié, et si jamais on veut faire des activités, rappelez-vous, concours de costumes, concours de momification, et si jamais vous voulez concours... Ben, pas concours, en fait. Jeu d'alcool, mais là, on y va avec modération, on vous le rappelle. Je veux pas inciter les gens à aller boire et à... Faites ce que je dis pas ce que je fais. Dégobiller, là. Oui. Et voilà. Alors, le point numéro 4 de ma chronique, pour avoir le meilleur party d'Halloween ou pour faire le plus gros party d'Halloween que vos amis vont souvenir super longtemps, eh bien, je pense que c'est un incontournable, mais ça dépend. Ah! C'est la bouffe, la nourriture. Ben oui. Ah, des affaires qui ressemblent à des yeux. Vraiment... Ouais. Okay, oui. Tu sais, comme je le dis, c'est encore une fois beaucoup de la tournure que vous voulez donner au party. Mais si jamais un buffet se met en place, bien les citrouilles ne sont pas seulement des décorations. Ça se mange. Exactement. Cuisinez-les. Tu sais, on peut faire des mini cupcakes à la citrouille. On peut faire une tarte à la citrouille. Mm-hmm. On peut faire, je sais pas moi, de la mousse à la citrouille. Ah oui, ben oui. Alors, rappelez-vous que la citrouille, c'est pas seulement des décorations. Vous venez d'y creuser de toute façon pour utiliser pour la déco. Alors, gardez l'intérieur et faites-en quelque chose. C'est évidemment le moment parfait aussi pour des chai latte à la citrouille. Aussi. Mm-hmm. Mais là, on s'entend, ça dépend du party que tu veux faire. C'est ça. Ben, les classiques trempettes à chips, tu sais, la guacamole, ouais. Là, bien, servie à côté d'une citrouille comme si elle vomissait des chips, le tour est joué, là. C'est parfait. Tu sais, comme t'as déjà le summum de ton buffet. Oui, oui. Tu sais, c'est vraiment pas compliqué à faire. Puis en plus, si on n'aime pas la guacamole, bien, on peut faire... Il y a certaines alternatives de trempettes à chips, évidemment, avec du fromage. Puis tout ça, il y en a plein sur Internet, là. Ils peuvent être orange. Le fromage fondu, mais ça oui, peut être orange. Ça peut faire comme le cerveau de la citrouille qui, elle, dégobille la guacamole. Tu sais, il y en a pour tout le monde. Faites aller votre imagination, en fait. Oui. C'est tout simplement ça. Si on veut pas trop se donner côté grignotine, bien Pillsbury se fend à vendre des biscuits à thème. Alors, allez faire un tour à l'épicerie la plus proche de chez vous, 20 minutes au four et vous allez avoir une tonne de biscuits qui vont se manger super rapidement. Puis en plus, c'est le fun d'ouvrir la canne en tordant le tube, là. Ploup! Y a-tu vraiment du monde qui aime pas les biscuits Pillsbury? Ben là, sérieux, là, si vous aimez pas les croissants, les affaires, les pastilles Pillsbury, je veux même pas de votre ami. Ben c'est ça, tu sais, ouais. c'est des biscuits quétaines avec des faces de citrouille puis des fantômes, mais on les aime. C'est délicieux. Ils en font pour toutes les fêtes du monde, Pillsbury, en plus. Les petits bonhommes de neige, les petites chauves-souris. C'est sûr. Il y en a plein. L'incontournable, côté nourriture, côté grignotine, on est dans un party d'Halloween. Ouais. Ça prend des bonbons. Ça prend des bonbons. Ça prend des bonbons, bon. Pas le choix. Tu sais, moi, là, si j'arrive à un party d'Halloween puis il n'y a pas de bonbons, je suis comme... Tu flippes la table. Comme ton party d'Halloween, il est pas sa coche. Mais il faut comprendre que ce soit pour des enfants, des adultes ou encore de notre âge, vingtaine d'années, on aime ça, les bonbons. L'Halloween, c'est fait pour ça. Ben, OK, c'est pas nécessairement fait juste ben, pour ça. Fou, hein, pas mal. Mais c'est toujours plaisant de prendre une bière en suçant un petit suçon. Réfléchissez. Alors, évidemment, encore côté nourriture, ça vous prend, selon moi, des punchs épeurants ou écœurants. Ben oui. Encore une fois, Pinterest et Internet peuvent se montrer vraiment comme votre meilleur allié dans cette section-là parce que vous allez trouver des recettes et des recettes. Ma foi, je pense que j'ai passé juste une heure à regarder les recettes de cocktails épeurants et dégueulasses que l'on peut faire pour nos parties d'Halloween. Mais voici deux idées de drinks que je trouve géniales et qui sont quand même très faciles à faire. La bière à la citrouille, parce que généralement, tout le monde aime la bière. Ben, pas tout le monde, mais ouais. Non, pas tout le monde, je suis d'accord avec toi, mais... Habituellement, si on est des gars, dans un party, on va boire de la bière. Il y a certaines filles qui aiment ça. Moi, j'ai aucun problème avec la bière. Je sais que j'ai certaines de mes amies qui détestent la bière. Mais si jamais vous voulez vous lancer dans une petite recette de bière à la citrouille, c'est vraiment facile. J'imagine que la bière déjà à la citrouille peut se trouver quelque part, comme exemple la Barrique, marché du Boisé. Ce sont des endroits ici à Trois-Rivières qui se spécialisent dans la bière. Alors, c'est sûr que d'après moi, cette sorte de bière-là peut se trouver quelque part ici. Autant d'une pinte qu'il y en a sûrement même à boire. Sûrement. Ouais. Après ça, ça vous prend une demi-tasse de cidre de pomme. Un bâton de cannelle, de la cannelle moulue, une orange coupée en tranches? En tranches, oui, voilà, en tranches. Merci. Et c'est vraiment très facile. En fait, on mélange la bière à la citrouille avec le cidre de pomme ensemble. On y met, on incorpore... Incorpore, oui. On y incorpore le bâton de cannelle au complet. OK. Par après, on va mettre la cannelle moulue, que évidemment, c'est deux choses différentes, là, le bâton et la cannelle moulue. On va... Saupoudrer la cannelle moulue sur les dessus et on va venir mettre une petite lanière d'orange. Oui. Une petite tranche d'orange. Évidemment, vous pouvez en faire une plus grande quantité. Là, ça dépend si vous voulez y aller de façon individuelle pour chaque invité ou si vous voulez en faire une sorte de punch. Moi, je vous conseille quasiment d'en faire une sorte de punch. Mm. Mais c'est sûr que j'imagine qu'à un certain point, votre bière va devenir plus flat, dégazifié. Alors, ça dépend vraiment de comment vous voulez le voir, mais c'est une belle alternative à la fameuse bière Coors Light qu'on connaît. Là. Allez-y pour... c'est ça, tu sais. Faites-vous donc plaisir, de toute façon. Le deuxième, Mathieu, j'ai cherché hier, mais tu sais, les petits bonbons, là, candy corn. Oui, j'adore les candy corn. Est-ce qu'il y a un mot français pour les candy corn? Je pense que oui. J'ai cherché, mais tu sais, bonbons au maïs, je suis pas certaine que ça fait vraiment référence à... Ouais, sur les emballages, je me rappelle pas qu'est-ce que ça écrit, en effet. Tu sais, pour ceux qui sont moins familiers avec le terme candy corn, c'est les fameux petits bonbons en triangle, orange, blanc et jaune. Ouais. Là, c'est sûr qu'en disant ça, tout le monde a su de quoi je parle. C'est ça. On n'a pas besoin du nom en français. C'est ça, exactement. Non. Eh bien, je vous parle, en fait... Ma deuxième recette, c'est la vodka à la candy corn. On n'a pas de nom en français apparemment pour ça. Non, hein? Non. Mm. Vodka à la candy corn, par exemple, je vous avertis, si jamais vous avez un party d'Halloween samedi, commencez aujourd'hui. OK. Ouais. Ouais. C'est 4 à 5 jours de préparation, de fermentation. On est limite surtout. Pas mal. Là. Alors, c'est vraiment très, très simple. Les ingrédients, 1,5 tasse de vodka. Et 1/2 tasse de bonbons candy corn. OK. C'est pas plus compliqué que ça. Évidemment, là, la recette est peut-être pour quoi? 2-3 personnes, si jamais vous voulez en faire plus. C'est ça, hein? On y va de façon assez exponentielle. Faut en avoir pour le reste de l'année, hein? Ben oui, voilà. Jusqu'à ce que le lait de poule arrive. C'est ça. Les instructions, vraiment très faciles. On met les bonbons dans le four d'un pot maçon. Mm-hmm. Par la suite, on va y ajouter la vodka. Ouais. Et on laisse reposer sur une tablette. Il y a quelque chose de plus facile que ça. Est-ce que je suis capable de faire ça? Je sais pas. Par contre, aux 2 jours ou chaque jour, tout dépendant de votre fréquence que vous voulez y aller, c'est un peu à votre guise, on va brasser simplement en brassant le pot sans l'ouvrir. On y va pas avec une cuillère, on fait vraiment juste brasser le pot de haut en bas et on laisse encore sur la tablette quelques jours. Après, environ 4 à 5 jours, il y aura plus de bonbons qui sont dans leur entièreté. Ils vont tout être dissous dans l'alcool. Et votre vodka sera maintenant aromatisé aux bonbons candy corn. Malade! Je tiens à dire, le point à garder ici en tête, c'est de le servir en shooter. Parce que c'est tellement sucré. C'est tellement sucré que tu veux pas t'en faire un drink juste à ça. Là. Non, pas vraiment. Ouais, je comprends. Donc, juste des candy corn en tant que tel, les bonbons, t'en manges pas 1000. Ben, c'est ça, exactement. Ouais. Alors là, pensez-y, là, vodka à la candy corn, on y va en shooter. Hein. Mm-hmm. Puis là, évidemment, on peut agrémenter le petit shooter de sucre, peu importe. Hein, oui. Ça dépend de votre niveau aussi dans le party, vous êtes rendu où. Et le dernier point de ma chronique, eh bien oui, un party, que ce soit un party d'Halloween, un party de Noël, un party du jour de l'an, un party de je sais pas quoi, peu importe, ça prend de la musique. Ben oui. Ça prend de la musique, évidemment. Il faut penser à nos invités et le bonheur de danser dans une soirée d'Halloween. Je pense que le plus fun, c'est oui, on s'est déguisé, on a mis du temps dans nos costumes et on veut laisser aller notre fou. C'est danser le Monster Mash. Ben c'est ça. Ben oui. Donc on y met les meilleurs morceaux récents, évidemment ceux du palmarès, c'est fou. Obviously. Aussi, gênez-vous pas, demandez à vos amis qu'est-ce qu'ils veulent entendre dans la playlist, dans la liste de musique que vous allez faire pour le party, de mettre ça quel est le terme en français pour shuffle? Ah, mélanger. Mélanger, oui. On met ça sous le mode mélanger et là, tous nos invités vont être contents de voir leurs propres chansons qu'ils ont dit. Des trames sonores de genre Buffy contre les vampires. Ben, c'est ça. T'sais. Là, c'est un party d'Halloween. Il faut surtout pas oublier d'obligatoirement y incorporer des chansons à thème Halloween. Oui. Sinon, c'est du top 40, puis c'est plate, c'est pareil comme dans votre char. Tu sais, c'est sûr que Michael Jackson avec Thriller va probablement passer de toute façon, oui. C'est un incontournable. Mais des chansons qui font peur. Tu sais, si vous avez des amis qui aiment le dubstep, le gros électro, ben allez-y, mais avec des choses qui sortent vraiment de l'ordinaire. C'est ça le but de la soirée, c'est d'avoir du plaisir en ayant de la bonne musique. Ça, c'est les 5 étapes pour avoir un des meilleurs parties d'Halloween. C'est pas trop compliqué. Là. C'est pas très, très compliqué, là. Tu sais, c'est la même liste pour n'importe quelle party, je dirais. Mais là, c'est sous le thème de l'Halloween. Alors, du côté décoration, on peut vraiment s'en donner à cœur joie. Mm-hmm. Et du côté, évidemment, costume, comme on disait hier dans la chronique. Mais là, allez-y comme vous voulez. Hein, si vous choisissez que ce soit une thématique ou un peu à la free-for-all... Faites-vous plaisir, tout simplement. Voilà. Moi, j'aime l'Halloween, alors c'est sûr que ça va être plaisant. Est-ce que la pièce que tu vas nous présenter est dans ta playlist d'Halloween? Ouh, peut-être. En fait, le party d'Halloween auquel je m'en vais, c'est pas moi qui l'organise. Ah-ha. Alors, je l'ai fait pour eux. C'est ça, faut qu'ils suivent tes instructions. Là. Tu vas leur envoyer le lien. Hein? Ben oui, c'est sûr, je vais leur envoyer. Alors, en fait, on va se laisser après ma chronique avec la pièce musicale Dark in My Imagination de Off Verona qu'on entend dans une certaine émission qui fait peur. Nope. Okay. C'est tout ce que je dis. J'ai déjà peur. Myself at all. There's something in touch when we kiss. I scream, God, forgive me, please. 'Cause I want you on your knees. But I don't wanna think about it now. I know I won't get out if I fall here. So I don't wanna think about it now. Dark in my imagination, it's dark in my imagination. Something in the look you give. No, are you giving it to her? 'Cause I'm not entirely sure. Falling. So I don't wanna think about it now. It's dark in my imagination. It's dark in my imagination. Dark in my imagination. Dark in my imagination. But I don't wanna think about it now. Is it all in my head? Are you somewhere? Waiting for me. I don't wanna think about it now. Is there something unsaid? Are there secrets that you're keeping? But I don't wanna think about it now. It's dark in my imagination. It's dark in my imagination. It's dark in my imagination. It's dark in my imagination. It's dark in my imagination. It's dark in my imagination. It's dark in my imagination. It's dark in my imagination. It's dark in my imagination. It's dark in my imagination. I'm not afraid to C'était Dark In My Imagination de Of Verona. Mm-hmm. Et ça, ça fait peur en plus parce que le clip sur YouTube, c'est un loup-garou qui te fonce dedans, mais sans oui, cesse exactement. En boucle. C'est comme vrai. Un gif animé. Donc, c'était une chanson de Teen Wolf. T'as dit tantôt une émission qui faisait peur. Là, pour ceux qui ça intéresse, Teen Wolf. Moi, ça me fait peur, cette émission-là. C'est vrai. Ça a l'air bon. C'est très bon. Ça a l'air beau aussi. Oui, il y a... La distribution est... Il y en a... Ouais, c'est pas de la mauvaise distribution, hein. Pour tous les goûts, hein. C'est... Oui! Oui. C'est tout pour ta nièce, Gunnar Titania. Et oui, c'est déjà tout. Il reste deux chroniques d'Halloween. Hey, déjà juste deux. Oui. Ça m'attriste, tout oui. ça. Il aurait fallu faire un mois d'octobre au complet sur l'Halloween. Ah, oui. Oh, j'aurais donc aimé. Ah, mais je pense bon. Que j'aurais manqué d'idées. Peut-être, hein, peut-être. Peut-être. Au retour. Oui. Assemblage requis continue. Ouh. Reste là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Assemblage requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage Requis en ce mardi 27 octobre 2015. Elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui, il nous reste encore, un petit peu plus qu'une demi-heure ensemble. Oui. On va pas se quitter bien souvent. On va faire du contenu encore pour le reste de l'émission. Ben oui, il faut. Oui. Moi, je pense qu'on devrait continuer à parler de pub. On devrait. Tantôt, on a commencé le bloc pub, puis il m'en reste encore un paquet. Puis à un moment donné, ben la pub, vous le savez, si vous écoutez d'autres postes, premièrement, honte à vous. Deuxièmement, les blocs pubs finissent jamais. Des autres. C'est vrai. T'en as pour 8 minutes, genre. Donc voici le bloc pub. Venez au bon marché. Oui, papa. Tout le monde aime. Je préfère le goût de. C'est le bloc pub chronique dans lequel on parle marketing, d'idées publicitaires qui vont faire vendre des affaires. Quand t'écoutes la télé, Tania, est-ce que ça te dérange de voir les intégrations de produits? Ça dépend comment c'est fait. Si, mettons, c'est une voiture qui passe, mais on voit clairement que c'est une Toyota, ou si leur téléphone est clairement un Windows Phone, mettons. Ça ne dérange pas. Okay. Mais tu sais, mettons, quelque chose qui est vraiment placé, qui a pas d'allure dans ouais. la scène. Que personne n'utiliserait, mettons. C'est ça, dans la scène, là, ça... Comme, mettons, dans certaines séries sur Fox, il y a quelques années, les personnages disaient tout le temps « Ah, let me Bing that! Je vais aller chercher ça sur Bing! » Ça, c'est vraiment pas naturel parce que personne n'utilise Bing. Ça, exactement. Ça fonctionne pas du tout. Mais justement... C'est que si tu dis « Ah, let me Google that! » Là, ça a du sens, tout le monde dit ça. Laisse-moi aller voir sur Google, c'est sûr que tout le monde le dit. Exact. Donc, ben justement, la raison que je te pose la question, c'est parce qu'il y a une nouvelle sitcom qui s'en vient avec Donny Deutsch, qui est un marketeur professionnel, qui va mettre les marques en plein à l'avant-scène de son émission, en fait. OK. Donc, il va briser le quatrième mur, comme on l'appelle à la télé, pour vendre de la vodka et des aspirateurs aux États-Unis. Donc, c'est le quatrième mur, ce qu'on appelle à la télé. Le quatrième mur, c'est si on s'imagine qu'il y a quatre murs autour de la caméra, mettons, et que le quatrième mur est le public. D'habitude, il y a un mur devant, ils vont pas parler au public habituellement. Ouais. Alors que si t'enlèves le quatrième mur, là, ils parlent au public. On se comprend là-dessus? Donc, Donny Deutsch, qui réinvente le modèle des publicités à la télé avec sa nouvelle série sur USA Network qui s'appelle Donny avec un point d'exclamation. Il veut montrer que la publicité peut être aussi créative et excitante que le contenu que les téléspectateurs veulent regarder. C'est pour ça que les intégrations de produits vont être à l'avant-scène. Donc, cet homme va commencer en plein milieu de l'épisode à vendre, par exemple, la vodka ou un aspirateur. C'est un hommage, dit-il, à la télé des années 50, où on faisait ça à l'époque. T'avais les personnages qui fumaient une cigarette, puis à un moment donné, ben, ils s'adressaient au public, puis waouh, une bonne... Et là, la marque de cigarette, ou peu importe. Les quiz à la télé avaient aussi un logo de crème à raser ou de cigarette à l'avant de son du panel, en avant du quiz. Donc, c'est un peu la même chose. Donny Deutsch va jouer une version fictive de lui-même qui anime un talk show. Donc, à la place de prendre 30 secondes de pub, il va faire 30 secondes dans son émission. Il va inclure une sauce de barbecue. Donc Hacks Barbecue Sauce, Purity Vodka, les aspirateurs Dyson, Trackphone, Overstock.com et le nouveau film de Tina Fey, Sisters, dans son émission. Oui. Donc, ça devrait être intéressant à voir Donnie qui va jouer sur US Network dans les prochaines semaines. J'ai pas la date de début tout de suite devant moi, mais ça s'en vient très bien. Ensuite, The Fader, un magazine qui célèbre 100 numéros en postant tous les numéros gratuitement sur BitTorrent. C'est un magazine de musique qui ouvre ses archives. Donc The Fader, qui est connu pour donner leur couverture à des vedettes montantes comme Kanye West et Nicki Minaj au début de leur carrière. Donc ils vont changer les choses encore une fois en sortant les 100 premiers numéros. Le centième en fait qui sort là, le centième numéro, oui. Et les 99 précédents sur BitTorrent gratuitement. Ça s'appelle le Fader 100 BitTorrent Bundle, disponible en ce moment, qui inclut chaque numéro depuis la fondation du magazine en 1999 et des témoignages vidéo avec des témoignages des anciens rédacteurs en chef, photographes et fondateurs du magazine, John Cohen ainsi que Rob Stone. Le bundle est un remerciement pour les lecteurs de longue date. Bien sûr, donc The Fader 100 et tout le monde est là-dedans. Ils ont eu 976 000 visiteurs uniques au mois d'août selon Comscore. Donc, assez populaire. Et le BitTorrent au complet pèse 734 MB. C'est ça. Non, attends. Non, c'est pas vrai. Les bundles, en général, en moyenne, pèsent 734 MB sur BitTorrent, alors que celui de The Fader va peser 5 GB. Ah! Voilà. Le numéro 100 de Fader a 109 pages publicitaires et 147 pages éditoriales. C'est environ deux fois la grandeur ou le contenu habituel de leur magazine. C'est une bonne idée. Ouais, c'est pas pire. Moi, j'ai déjà téléchargé des BitTorrents de magazines. Tu sais, des magazines que tu peux pas te procurer, parce que c'est ça le problème avec les magazines. C'est que les numéros précédents sont soit super, super chers, parce qu'on a vraiment pas beaucoup de copies, ou encore sont juste complètement pas disponibles. Donc, c'est beaucoup plus... Surtout quand ça a changé de main, quand c'était revendu. Oui, c'est vrai. Les archives sont jamais disponibles. Donc, si tu vas sur BitTorrent, puis qu'il y a les centaines de numéros de ton magazine préféré, c'est assez facile comme décision à prendre. En effet. Mm-hmm. Ensuite, allons-y avec la maison originale de Paranormal Activity qui fait peur aux gens dans une blague pour la suite du film. C'est un open house qui rit donc des cascades publicitaires d'Halloween. Pour exciter les gens au sujet de Paranormal Activity, The Ghost Dimension, la franchise de films d'horreur a prévu la blague la plus osée avec une maison hantée. Donc, les gens qui voulaient acheter cette maison-là ont vécu un paquet de choses dérangeantes, des peintures qui tombaient, des miroirs qui pétaient et des de la statique d'électricité, oui, dans le micro-ondes. Mm-hmm. Regardons un petit peu la vidéo avec la maison originale de Paranormal Activity. Les gens ont été invités à un open house pour acheter cette maison-là potentiellement, donc on les voit arriver avec des caméras éloignées. Ce qu'ils ne réalisaient pas était que c'était la maison originale de Paranormal Activity. Bien sûr. Donc ce qu'ils vont vivre, c'est The Ghost Dimension. On sonne à la porte. Entrez, okay, faites attention en entrant à l'escalier, la marche. La maison vient tout juste de monter sur le marché de la vente des maisons. Et là, la lampe, le luminaire commence à bouger. Mais à peine, juste un petit peu pour subtilement commencer. Pas trop de problèmes jusque-là. Les gens pointent le luminaire. Okay, on entre dans la cuisine. La cuisine a besoin de rénovation, je sais. Là, le micro-ondes commence à faire des flibits. Des flashs. Le monsieur s'en approche. Qu'est-ce qu'il y a? La femme ouvre le micro-ondes, il n'y a rien. Aucun problème. On va dans le salon. Donc, il dit que les gens avaient déménagé de là récemment. Les cadres commencent à tomber par terre. Évidemment, si les gens avaient vu Paranormal Activity, ils sauraient. Oui. Mais ils n'ont clairement pas vu le film. Mais non, mais c'est sûr que tu ne reconnais pas la maison directement. Je sais pas, tu trouves ça un peu bizarre. Il me semble, la maison est bien, on la voit beaucoup dans le film, tu sais. En tant que tel, tout se passe dans la maison dans Paranormal Activity. Oui, c'est sûr, mais faut vraiment que tu sois pro pour reconnaître la maison. Donc les miroirs craquent, sont dans la salle de bain en ce moment. On voit comme dans Juste pour rire les gags, coup sur coup, chacune des réactions à la même chose. La technique classique. Les stars tombent et tout ça, donc ça arrête plus, on comprend le principe, là, mais c'est pour Paranormal Activity, The Ghost Dimension. Ça fait peur. Moi, je dois avouer que j'écoute pas ce genre de film-là. Moi non plus, jamais d'avis. Parce que je suis effrayée des films d'horreur et surtout ceux où, justement, il y a de l'activité paranormale. C'est ça. Est-ce que tu as vu la publicité... on n'a pas parlé ici, mais la publicité de 2013 pour le film Carrie dans un café. Est-ce que tu as vu ça? Oui. Ça, est-ce que tu... Oui. Je pense que ça vaut la peine qu'on la regarde ensemble puis qu'on la décrive. C'est la fille qui... Ben on va en parler. Oui. Donc, la publicité commence, c'est Telekinetic Coffee Shop Surprise qu'on écoute pour le film Carrie. Attention. attention. Donc, une surprise télékinétique dans un café de West Village à New York. Un faux mur est installé, un faux mur de briques dans le café. Un cascadeur utilise des poids pour monter sur le mur, donc on se pratique, on donne un petit top là. Moi, je trouve qu'il aurait dû montrer ça à la fin, à la place. Ouais, c'est vrai. Hein? Mais bon, super. Les tables et les chaises sont commandées par télécommande. Les cadres sont chargés sur des ressorts. Les livres sont chargés sur des ressorts. Les cadres, peu importe. Les acteurs sont assis à l'intérieur du café. On pointe des caméras partout. Il y en a évidemment une tonne. Et ça dit « Time to fuck with some customers ». C'est le moment de faire « ch » certains clients. Mm-hmm. Donc, une dame se fâche à un moment donné quelque part là-dedans. Les gens sont en train de payer leur facture. Le gars est en train de se lever de sa chaise, accroche la madame. Son café tombe sur son ordinateur. Oh mon Dieu. Ah, je m'excuse, je suis désolé. Tu viens de gâcher mes affaires. Je vais chercher des serviettes pour nettoyer ça, y a pas de problème. L'autre dit, t'as mis du café dans mon ordinateur, tu sais quoi, va-t'en. Il le pousse avec sa main et le gars atterrit sur le mur et monte dans les airs. Et à partir de là, c'est là que la cascade publicitaire commence. Avec, comme on dit tantôt, les cadres qui tombent, les livres qui sont poussés en bas de la bibliothèque. C'est vraiment très très bien fait. Pour le film Carrie, la révélation que c'est pour le film Carrie est évidemment à la fin. Oui. Évidemment. Mais j'aime toujours mieux les ça, c'est comme des je n'ai pas le nom de ça, les démonstrations de campagne publicitaire, mais je préfère qu'on montre le making-of à la fin. Ouais. Okay. Bref, allez voir le lien dans l'article dont j'ai parlé tantôt sur assemblagerequis.com. Mm-hmm. Mais c'est quand même bien de voir que, tu sais, oui, évidemment, le gars, il recule par lui-même, mais il doit y avoir un fil qu'il... Ouais, c'est ça, on voit au début tire. Le fil et les Sauf poids. Sauf que personne le voit au début. Non, parce que c'est un faux mur, puis tout est caché derrière ça. Exactement. Mais c'est quelque chose quand même d'assez intéressant pour une campagne publicitaire de film. Ça fait pas mal plus parler qu'une affiche. C'est sûr. En 2015. Ça, c'est comme la petite poupée Chucky qui sortait d'une abri de bus. Ouais, ça me dit quelque chose. Ça aussi, ça faisait peur. Ah, mais les films d'horreur, sont, pour le marketing, les films d'horreur, ils l'ont la twist. Oui, c'est vrai. Tiens, justement, restons dans la terreur, dans les trucs d'Halloween, avec des personnages classiques de films qui s'enfuient en terreur. Dans cette supercut fait pour une bonne cause. Donc, on va regarder la vidéo avant d'en parler. Comme ça va peut-être nous donner une petite idée en plus. C'est pour le British Film Institute, où on voit en noir et blanc une dame avancer dans une ruelle, qui a l'air d'avoir peur. Elle regarde derrière elle. Et là, les autres, dans le fond, c'est une supercut. Donc, on voit différents extraits de films de gens qui s'enfuient de quelque chose qui est terrifiant derrière eux. Donc, que ce soit des films noirs et blancs, des films de super-héros, d'action, des thrillers. Donc, on voit les gens qui s'enfuient devant une boule de feu, par exemple, devant une voiture, dans un entrepôt, dans un hôpital. Donc, les gens courent ou marchent très, très vite. Et c'est ça, c'est une supercut, là. Je pense qu'on connaît le principe. Oui. C'est Carl Addy, le réalisateur de Meal Plus, qui a créé ce supercut. C'est sûr que l'essentiel dans un supercut, c'est que ça a l'air de faire partie du même environnement. Mm-hmm. Et je pense que ça fonctionne là-dedans. C'est la musique, entre autres, qui fait ça. Les effets de voiture, il y a pas de ça coupe pas en plein milieu d'un mot ou d'un effet sonore. Tout s'enchaîne très très bien. Et ça prend pas mal plus de talent qu'on le pense. Si vous avez déjà essayé de faire une supercut, c'est pas tout le monde qui a le talent pour faire ça. Non. Vraiment pas. Donc c'est ça, c'est pour la restauration, c'est pour les efforts de restauration du British Film Institute, qui essaie donc de ramener des films plus vieux dans la technologie récente. Donc ça dit « Film is fragile, help save our stories », parce que des films qui sont vieux sur des vieilles bobines, ça se détériore et on essaie de les ramener à la vie pour leur donner un futur plus brillant. Voilà, c'est bien. Hein? Mm-hmm. Donc bonne cause, oui. C'est pas une cause caritative pour régler le problème du cancer, mais quand même, c'est une bonne cause quand même. Une infopublicité maintenant, Bye Bye Boob Sweat, une publicité ridicule pour des serviettes humides qui est un petit peu malaisante par moment. C'est un peu une copie du Dollar Shave Club. Tu te rappelles du Dollar Shave Club, le club de rasoir pas trop cher où le gars sur un plan continu avance puis il se passe plein d'affaires autour de lui, là, oui, dans une usine. Ça me dit genre, quelque chose. Il y a plein de publicités comme ça, que ce soit récemment pour le petit banc pour faire caca. Mm-hmm. Donc c'est un petit peu dans ce principe-là. Tout le monde essaie de faire des publicités qui ont l'air de pas coûter cher. Qui sont à l'occasion drôles, mais souvent malaisantes. Celle-ci, c'est pour Good Wipes, une marque de petites serviettes humides qui parle dirty en vous nettoyant. Donc, c'est l'actrice et humoriste Lace Larrabee qui est la vedette de ce petit clip. Donc, où on lui fait enlever, oui, sa sueur en dessous de ses seins en okay. livrant un monologue sur le pouvoir des good wipes. Donc écoutons ça un petit peu en bref, là, on va voir si on dure assez longtemps. On la voit en train de, de faire du marteau sur de la salade. Ah bonjour, je vous avais pas vu. Je vais juste monter ça, c'est quoi? Donc vous travaillez fort, vous jouez fort, vous n'avez pas toujours le temps d'aller prendre une douche. Eh bien, c'est pour ça que Good Wipes existe. En emballage individuel, portable, rafraîchissante et gigantesque. Comme votre ego après deux martinis. La saleté et la sueur en-dessous de vos seins ne sont pas des choix. Ils se font lentement à travers la journée. Ils se créent sur votre poitrine. Ils sont difficiles pour vos collègues de travail à l'extérieur. Tu vois l'idée. C'est un peu malaisant. Ouais, c'est un peu vraiment très malaisant. C'est parce que souvent, le problème avec ça, avec les publicités comme ça, que ce soit Old Spice ou le Squatty Potty dont tu parlais tantôt, mm-hmm. le Dollar Shave Club, l'important est la personnalité de la personne qui est choisie pour le faire. Oui. Et elle n'a pas ça. Tu crois? Je trouve pas qu'elle l'a tant que ça. C'est sûr que c'est la première fois que je la vois, là, mais elle a pas le charisme ou le genre de « je sais que c'est une joke » que les autres ont, tu sais. Mm-hmm. Dans les autres publicités, la personne... Bon, OK, c'est des gars et ça n'a aucun rapport avec le fait que c'est une fille, là. Mais en général, la personne utilisée a un petit genre « je sais que c'est stupide de le faire, je m'assume là-dedans, puis c'est ça qui fait que c'est drôle. » Ouais. Elle, c'est un peu genre une actrice de téléroman, genre des jours et des vies. Un sitcom comique. Genre... Et il n'y a pas l'aspect humoristique, parodique, de pastiche, je dirais. Parce que ça dit qu'elle est comédienne, quand même. Ça dit qu'elle est comédienne et humoriste. Tu sais, elle a un certain talent, mais je crois pas que ce soit en publicité pour Body Wipes. Donc, goodwipes.com pour voir la publicité et pour en savoir plus sur ses serviettes humides. On continue avec YouTube qui ne s'en fait pas du tout. Tu as peut-être vu le nouveau service YouTube Red qui vient de sortir. Non. C'est le service par abonnement sans publicité de YouTube. Okay. Qui vient d'être lancé. Donc, YouTube qui se lance dans la comment dire, les offres payantes, mm-hmm. sans évidemment rendre son service payant au complet, contrairement à ce que bien des articles vont dire sur le web. YouTube est rendu payant. Ne croyez pas les médias, en général. Mais donc, YouTube Red, ça ressemble étrangement à RedTube, qui est un service de pornographie sur Internet. Oups! Ouais, YouTube Red et RedTube, pourtant, tout le monde sait, tout le monde connaît RedTube là, dans le domaine d'Internet, de l'Internet louche. Ouais, dans le domaine de l'Internet. Okay, pas dans le domaine, ouais, c'est ça. Donc, YouTube n'a certainement pas passé beaucoup de temps à chercher sur Internet le mot YouTube Red, parce que c'est clair qu'un des premiers résultats serait RedTube. Peut-être que c'est voulu. Peut-être. Ouais, peut-être. Mais peut-être que non aussi, hein. Mais il se soucie pas de ça. Je cite, « Nous avons fait beaucoup de tests avec nos clients. Nous sommes très confortables avec le nom, dit le Chief Business Officer, le CBO de YouTube. Donc, on a demandé des commentaires à RedTube. On n'a pas encore eu. Je sais pas si on va en avoir un jour, mais YouTube ne s'en fait pas pour ça. Tant mieux pour eux. Hein. Ils s'assument, tu vois. Au moins. Au moins. Des publicités pour les règles. Oui. Dans un métro. OK. Qui sont très, très risquées, mais qui sont apparemment pas trop risquées pour le métro de New York. Donc, c'est des pancartes, des affiches diffusées dans les métros. Et tu vois, dans ce cas-ci, une orange ou une tangerine, clémentine. Un pamplemousse. Un pamplemousse, tu vois. Je suis dans les agrumes, au moins. Au moins. Je suis dans la bonne catégorie des agrumes. Au moins, j'ai pas dit un foie ou un poumon, comme mes autres problèmes de traduction dans la vie. Donc, c'est ça. On voit un pamplemousse rose sur un mur, à côté mm-hmm. sur un mur. C'est écrit Things en bas, THINX. Et le slogan, c'est Underwear for women with periods. Donc, des sous-vêtements pour les femmes qui ont leurs règles. HelloThings.com. C'est pas tout à fait subtil, ça ressemble vraiment à un entre-genre féminin. C'est pour ça qu'ils l'ont choisi d'ailleurs. Mais on se demandait donc si ça allait être trop risqué pour le système de métro de New York. Il y a eu un petit débat sur les réseaux sociaux et dans plusieurs... un porte-parole pardon, pour MTA, ça c'est les métros à New York, a dit « Bien sûr qu'elles seront approuvées », c'est ce qu'ils ont dit au New York Times, même si les publicités sont toujours encore sous revue, donc en train d'être passées en revue avant d'être mises dans les métros. Donc Things... veut dépenser plus de 300 000 $ sur 15 000 publicités de métro. Et puis, on a compilé quelques-unes de leurs publicités récentes. Par exemple, ici, on voit une femme avec des sous-vêtements, tout ce qui est le plus simple. Ouais. Absolument rien à dire de plus. Le slogan à côté, c'est « Underwear for women with periods ». Par contre, il y a des petits mots rajoutés avec mm-hmm. des flèches. Donc, c'est « Better underwear », donc de meilleurs sous-vêtements, « For any menstruating women human », pardon, donc pour mm-hmm. n'importe quelle personne qui est menstruée, parce que c'est pas nécessairement une femme qui est menstruée, ça peut être quelqu'un transgenre, on s'entend là-dessus. Hein? « With periods », et là, c'est « Shedding of the uterine lining ». Donc ça, c'est la perte de ton... ouais. Je sais pas comment ça se dit en français, absolument pas. L'autre, c'est un œuf sur le bord d'un bureau. Donc l'œuf est en train de couler. Et la femme, elle est sur un banc. en position à genoux avec son corps par-dessus, donc oui. En position évachée. En position, j'ai mal au ventre, j'ai des crampes menstruelles. C'est exact. Voilà. C'est ça. Et l'autre est assis sur une chaise et la question est « Why are there periods period ads everywhere? » Pourquoi il y a des publicités de règles partout? Et donc, elle, ça lui rappelle ses règles, même quand elle n'est pas dans mais ses règles. Mais j'aime beaucoup la réponse, par contre. C'est quoi, la réponse? Et ça dit « The better question is, why shouldn't there be? » La meilleure question serait « Pourquoi est-ce qu'il ne devrait pas y en avoir? » There's one in 12 chance that you're on your period right now. Il y a une chance sur 12 que vous soyez dans vos règles présentement. Yet, we rarely discuss menstruation outside of whispers from woman to woman. Mais nous discutons très rarement de menstruation, à part les chuchotements de femme à femme. Et voilà. J'adore te traduire, c'est drôle. Et c'est marqué « Today, we can change this. » Aujourd'hui, nous pouvons changer cela. C'est vrai, par contre. C'est vrai, par contre. Tu sais, on voit des annonces de sous-vêtements pour hommes partout. Oui, on voit des annonces de condoms partout, mais on peut pas parler des périodes des femmes. Et voilà. Et voilà. Voilà. C'est tout pour la blague pub. Bon déjà. Travail, Tania. Merci, merci. Travail d'équipe aujourd'hui. Les lignes sont sur assemblagerequis.com, comme toujours, et on fera une autre chronique. Habituellement, c'est les mardis à Assemblage Requis. Au retour de la pause, on va être rendu à parler de gadgets inutiles trouvés sur Internet. Notre classique du mercredi qu'on fait aujourd'hui le mardi parce que quand même on a du temps à perdre. Et voilà. Voilà. C'est au retour à Assemblage Requis. Restez là. Assemblage Requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Toujours à Assemblage Requis, on est toujours mardi, le 27 octobre, pardon, le mardi 27 octobre 2015. Oui, Tania Baudin est là. Ben oui, Mathieu Plante aussi. Absolument. Dans quelques instants, on va faire une ronde rapide, une ronde bonus éclair. De ça ne devrait pas. Là, avant ça, on se goûte un petit connard à l'orange. Oh, pourquoi pas? Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu cet extrait du palmarès qui, d'ailleurs, est dans la publicité des palmarès, donc je l'ai souvent en tête le matin. Mm-hmm. J'ai tout le temps Saturday Night, puis ça, dans tête, puis dans l'ordre, pareil comme dans la pub. C'est ça que ça fait la pub des palmarès, maudit. C'est vrai. Quelle mauvaise idée. C'est Assemblage Requis. Les connards à l'orange, la pièce l'autobus, c'est tellement bon cette pièce-là, l'autobus, je tripe bien raide. C'était l'autobus? C'est l'autobus! C'est l'autobus! L'autobus de connard à l'orange. Tu sais, celle qui est pas en marche parce que c'est l'heure à l'orange. C'est ça, exact. Ah, c'est bien ça. Hey, hein? Oui, ou comme la STTR est en pause, comme toujours. C'est ça. Oh, ways and forever. tiens, ce qui coûte cher dans la vie, oui, c'est prendre l'autobus. Oui. Beaucoup trop cher pour rien. Hein? C'est pas 3$. Oui, c'est ça, mais c'est parce qu'elle passe une fois par heure, en fait. Ah, OK. C'est trop cher pour ce que tu as comme service. C'est aussi de payer les produits qu'on vous suggère. Dans ça existe, ça ne devrait pas. Ça, je suis d'accord. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, la chronique des gadgets ridicules à acheter sur Internet. On fait une petite rafale aujourd'hui. On va faire ça short and sweet. Commençons par des petits livres pour faire vos propres tableaux de Mario. Est-ce que ça, il te donne déjà une base? Il te donne le fond. OK. C'est ça l'affaire. Un peu comme dans Super Mario Maker, dont on a parlé récemment, tout à l'heure, en fait, le jeu vidéo où tu peux construire ton tableau de Mario. Ben, c'est un peu le même genre. C'est des petits livres, un emballage de 3. Ça s'appelle Super Mario Mini Blank Books. C'est comme jouer à Super Mario Maker, mais sur papier, pour faire vos propres tableaux. Donc, c'est des carnets de 5 pouces par 7 pouces, grandeur poche, qu'on peut mettre dans sa poche facilement. Une avec des lignes, l'autre avec des pages blanches, et l'autre avec du papier carré. Et donc, on peut traîner Mario partout où l'on veut. Et à l'arrière-plan, c'est des dessins de tableaux en rouge, ce que tu vois en rouge, sur les photos. Donc, par exemple, des petits arbres avec des blocs pour interrogation. Des trucs comme ça, du plancher, des nuages, des fleurs, des tortues, Koopa, etc. Et toi, tu peux faire tes dessins par-dessus au crayon plomb, peu importe, Sharpie. Par exemple, bon, ici, bon, sur un tableau normal, ils ont dessiné, c'est un tableau de Mario Bros. 1, ils ont dessiné Yoshi avec un œuf de Yoshi. C'est super cool. Mais c'est bien. Si vous aimez dessiner des personnages de jeux vidéo, ces carnets-là sont pour vous. 15$ chez ThinGeek. Beaucoup moins cher, évidemment, que Super Mario Maker à 70$. J'ai été surpris de voir qu'un jeu comme Super Mario Maker coûtait 70$. Quand même. C'est tellement un jeu qui a pas... Tu sais, ça a une longue durée de vie, incroyablement longue, parce que tu peux faire des millions d'affaires là-dedans. Mais c'est un peu on dirait un mini-jeu. On dirait pas un jeu d'aventure. Il me semble, moi, je l'aurais chargé la moitié du prix. C'est vrai. Mais bon, que voulez-vous? Et c'est ça. C'est officiellement sous licence. Ils ont la licence de Nintendo en passant pour avoir mis les images dessus. Voilà. 168 pages au total. Ensuite, ceux qui ont besoin, des besoins dans la vie et qui se comblent eux-mêmes leurs propres besoins. Tu vois, c'est une joke de vibrateur, on s'entend. Mais ouais, honnêtement, je me demandais où c'est que tu t'en allais. Ça s'en allait par là-bas, ouais, c'est ça. Donc, si vous avez besoin d'un organisateur à batterie pour votre tiroir, peut-être, et vos gadgets dedans, vos télécommandes et autres, vous pouvez maintenant utiliser chacune de vos batteries dans ce petit organisateur à batterie. C'est fait de plastique durable avec un paquet de slots, hein? pour mettre vos batteries. N'importe quel type, entre 3 et 9 volts. Donc, les piles carrées ont leur propre place dédiée pour 4 piles carrées. Il y a une bonne, quoi, t'estimerais quoi, une bonne vingtaine de piles 2A? Oui, quand ans, même, là, ça y en a. Beaucoup de batteries 3A, des C, des D, des piles que je savais même pas que ça existait, genre plus grosses que les piles pour les lampes de poche. C'est vrai. 82 différents styles de batteries. Attends, c'est écrit sur la page Amazon. 25 3A, 39 2A. J'avais estimé 30, j'étais loin quand même. 4, 9 volts, 8 C et 6 D. Voilà. Ça sert à quoi des batteries D? Ben, c'est pas celle-là, les lampes de poche, ou c'est C? Je sais, D, c'est vraiment énorme. Là. C'est très gros. C'est peut-être pour les grosses lampes de poche. Peut-être. Tu sais, les grosses, le genre canon un peu. Ah oui. Ouais. Bref, 12,73$ sur Amazon. C'est disponible avec shipping Amazon Prime. Incroyable. Incroyable. C'est Range Clean Battery Organizer with Removable Tester. Il y a un testeur inclus de batterie dedans. Ça vaut la peine. Pour le testeur de batterie. Ouais, ça, je suis d'accord. Ça vaut la peine. Alors, ça vaut la peine. Ensuite, la Nice Mug. Il n'y a pas grand-chose de mieux qu'une bonne grosse tasse qui a passé plusieurs heures dans le congélateur. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que ça. Pour boire de la liqueur, une tasse mise en réfrigérateur, Tania. Tu peux pas me contredire là-dessus. Mais... Tu sais, des tasses glacées. Tu sais, chez IW, mettons. Oui, ça, je suis d'accord, mais... Ouais. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés avec tout ce qui est extrêmement froid. Ah oui, ben les dents. Oui. Je te comprends là-dessus. Il te faut de la Sensodyne. Ouais. Donc, une glace, pas une glace, une tasse faite à partir de glace. C'est la Nice Mug, mais Nice avec le ICA en majuscule, on se comprend. Oui. Ça vient avec deux moules, une base et un couvercle qui se collent ensemble, qui se snap ensemble pour créer un gros bout de glace qui va tenir et refroidir jusqu'à 12 onces de bière, cocktail, etc. Donc, vous remplissez le moule d'eau. Vous ajoutez quelques gouttes de d'huile de citron pour la clarté. C'est ce qui fait que ta glace ne sera pas blanche, elle va être transparente. L'huile de citron, ça va être ça? C'est intéressant, mm-hmm. ça. Tu mets au congélateur quelques heures avant de l'enlever et bien sûr de verser ton liquide dedans. Le kit inclut aussi 4 soutiens de plastique, donc des poignées pour empêcher votre main d'avoir froid, bien sûr. Et c'est aussi équipé d'une éponge à la base pour absorber l'eau qui va un petit peu couler pendant que ton breuvage va être en train d'être bu. Donc okay. une tasse bien congelée devrait durer environ 30 minutes avant de commencer à fondre, avant de faire des fuites. Et c'est donc assez de temps pour savourer un bon verre ou deux dans la Nice Mug. Je capote bien raide là-dessus, pour vrai. C'est bien. J'en veux une douzaine. Nice Mug. Maintenant, vous pouvez accrocher quelque chose à votre lampe à la place d'accrocher votre lampe. En fait, en plus d'accrocher votre lampe, tu sais, une lampe, c'est bien beau, mais t'aimerais ça pouvoir accrocher quelque chose après ce qui est accroché au plafond. Mm-hmm. Hein? Donc, si vous cherchez quelque chose, un contenant, presque, on dirait un bol Tupperware accroché au plafond. Hein? C'est comme un... Comment dire? C'est comme une grosse cloche à gâteau. Ou c'est comme une essoreuse à salade. Si ouais. Ça ressemble à plein d'affaires. C'est allemand. C'est la Favorite Things Lamp. Avec un globe, une demi... Pas une demi-sphère, c'est même pas une sphère. Je sais pas comment décrire ça, honnêtement. Mais ce que j'ai dit tantôt était approprié. Une essoreuse à salade, mettons. Ça ressemble vraiment à ça. Donc, avec un trou sur le côté, pas en dessous, mais sur le côté, pour que vous puissiez insérer un objet que vous aimez. Par exemple, une figurine, une poupée, peu importe. Quelque chose qui va évidemment... ça devrait pas prendre au feu, parce que c'est fait pour ne pas... prendre en feu. Donc, vous mettez n'importe quel objet que vous voulez dedans. Ça va faire une lampe personnalisée. Des articles de collection, des trucs que vous avez eu en voyage à quelque part. Les possibilités sont infinies. Très infinies. Tu pourrais même mettre un petit bateau comme dans les bouteilles. Hein? Tu sais, les bouteilles de bateau. Oui, bateau de bouteille. Bref. Vide, c'est quand même beau aussi. Je trouve le trou sur le côté a moins rapport quand c'est, quand c'est ouais, vide. C'est vrai. Mais bon, donc, c'est les liens est en allemand sur assemblagerequis.com si ça vous intéresse. Ensuite, un sac à dos, ça prend beaucoup trop de place sur ton dos, Tania. Mm-hmm. C'est plate. Donc, c'est à la place, c'est un sac pour votre laptop, ultra minimaliste, ultra mince. Ça ressemble à une veste par balle. Ça ressemble en effet à une veste par balle. Donc, c'est le Laptop Sleeve Backpack, c'est fait de néoprène et de Air Mesh Back Panel, peu importe ce que ça veut dire. Et ça fait, tu vas pouvoir mettre ton ordinateur portable entre 10 et 15 pouces. Ça va être exactement contre ton dos, vraiment très très serré contre ton dos. Assez slim, comme on dit, pour pouvoir mettre un manteau par-dessus. Pour être sûr que tu te fasses pas voler ton sac à dos, t'es à New York, peu importe. Ouais. T'as un portable sur le dos, t'as un sac à dos avec une marque dessus de portable, peu importe. Tu vas te faire voler, c'est sûr. Ça. C'est sûr, sûr, sûr, sûr, sûr. Donc à la place, tu mets ça, c'est sûr que tu seras pas volé. Tu peux mettre ton cellulaire, ton portefeuille là-dedans. Aucune possibilité de vous faire voir. Donc, il y a de la place pour mettre le chargeur, des trucs comme ça, dans le sac à dos. Et c'est vraiment, comme tu l'as dit, une veste très, très serrée sur ton corps. C'est résistant à l'eau. Donc, on le mettra pas en dessous de l'eau, mais ça peut supporter de la pluie. Mais ça ne doit pas être confortable. Ça n'a pas l'air, en effet, confortable. Non, une fois le laptop mis dedans, je suis pas mal sûr que tu dois marcher un petit peu comme si t'avais un balai dans les fesses. Ben, ça doit. Ça coûte 25$, pas cher pour l'essayer. C'est vrai. Peut-être. Au centre-ville, dans le ghetto. Peut-être. Ensuite, le iTrack est un appareil pour surveiller les mouvements de votre, en fait, de votre mouvement par tour cellulaire. Et ça n'a pas besoin de GPS. Il y a plusieurs façons de tracker les affaires sur le marché, donc des puces pour suivre la localisation de vos affaires, vos enfants, vos affaires comme vos enfants. Votre voiture, votre sac à dos que vous avez comme une veste par balle sur vous. Hein? Donc, ça utilise d'habitude le GPS pour déterminer la localisation. C'est précis et c'est souvent assez. Par contre, ça a quelques désavantages comme faire descendre la batterie de votre appareil plus rapidement. Donc, si c'est un appareil de format carte de crédit, en fait de 5 cartes de crédit d'épaisseur environ. À peu près. Et ça n'utilise pas le GPS du tout. Ça va à la place opter pour les tours cellulaires en faisant la triangulation de ces tours-là pour déterminer l'emplacement. Le concept est quand même assez intéressant. Tu achètes l'appareil qui vient avec sa propre batterie et sa propre carte SIM avec un service prépayé. Et tu peux le localiser jusqu'à 3 ans. Donc de long, sans avoir à faire rien de plus. Le iTrack va ramener sa localisation à un rythme déterminé que vous demandez, entre une fois par heure et une fois par jour, et la batterie peut durer jusqu'à 1500 connexions. Donc peu importe où tu es dans le monde, s'il y a un service cellulaire GSM, tu vas pouvoir retrouver ton iTrack et ce qui évidemment est autour, ouais c'est ça, si mettons c'est dans ton sac, tu vas retrouver ton sac. Le niveau de précision n'est vraiment pas aussi proche que celui du GPS, mais c'est suffisant pour savoir, par exemple, si votre enfant est à l'école ou encore au centre d'achat. Mm-hmm. Ça va être assez pour déterminer ça. Et puis c'est ça. Sinon, si votre voiture est dans le stationnement ou quelqu'un est parti avec votre voiture volée en ville, peu importe. Et vous pouvez remplacer votre carte. Un petit peu, c'est ça, le service est prépayé jusqu'à ce que la batterie soit terminée. Et une fois que c'est fait, ils vont vous donner la possibilité de remplacer votre carte iTrack et de payer pour une nouvelle ronde de service. On demande $49 sur, est-ce que c'est Kickstarter ou Indiegogo? C'est Indiegogo, voilà. Donc ça va être livré bientôt parce que c'était marqué août 2015, donc ça va être en train de shipper en ce moment. Et ça a donc fonctionné. Il y a eu assez de gens qui ont acheté ça. Ensuite, peut-être, dans ta maison, as-tu des fanatiques d'Apple et des fanatiques d'Android dans la même place? Ça peut faire qu'on se bat pour les fils de recharge. Oui, hein? Ça j'ai déjà vu ça. Ça arrive. Donc, c'est un fil 2 dans 1, cette fois-ci. C'est un fil parfait pour les deux. Vous avez un fil braided, donc torsadé. Hey, c'est pas la première fois que je vois ça. C'est intelligent, ça. Mm-hmm. À l'embout, t'as un fil micro-USB et par-dessus, t'as un petit capuchon qui, lui, contient un fil Lightning pour Apple. Donc, le fil qui est un embout, donc un petit capuchon que tu colles, ben, que tu snaps après ton fil Android. Et puis là, ça devient un fil Lightning. Si t'enlèves le capuchon, ça devient juste un fil micro-USB normal. On se comprend là-dessus? On se comprend. Donc, c'est Original Connector from Apple. Donc, c'est certifié Apple pour le connecteur Lightning. Ils ont des règles plus strictes chez Apple que chez Android par rapport à la sécurité ou à l'électricité, entre mm-hmm. autres. Bref, c'est disponible en doré, gris ou encore argenté pour se coordonner avec les couleurs du iPhone. C'est les F-Color Apple M5 Certified Cable, $16.99 chez Amazon, voilà. C'est un fil de 3,3 pieds de long, enveloppé dans un braided cover, donc ça va empêcher de faire des nœuds. C'est bien ça. C'est très cool. Parce qu'il y a quelque chose qui nous tape plus sur les nerfs que d'avoir des nœuds dans nos fils. Tellement, tellement. Moi, j'haïs ça, là. T'as raison. Ça me rend agressive. Ah, ben là... Tu commences à aller trop loin. Chair. Hein? Se tenir debout, c'est plate. On se tanne à un moment donné de se tenir debout. Ouais. Donc, calmez-vous un petit peu. Assoyez-vous avec le Bago Bago, qui est un sac à dos qui est fait pour supporter votre poids. C'est un sac de 22 litres avec des pattes et un banc caché à l'intérieur. Ça se déploie en un banc ergonomique. Ergonomique. Voilà. Et puis, ça empêche évidemment au contenu de ton sac d'être endommagé. Ça suit les lignes directrices des lignes aériennes. Par rapport au sac, ça pèse seulement 3,5 livres avec le banc bien chargé à l'intérieur. Ça protège jusqu'à l'intérieur des éléments. C'est construit pour être hydrofuge, en tout cas à l'épreuve de l'eau. Et il y a aussi une bande pour attacher à la taille pour bien distribuer le poids quand tu transportes quelque chose de lourd. Sur le site de bagobago.com, ça coûte $147. On le montre pas sur l'article une fois mis en banc. Mais si on va sur le site qui est en lien en bas de l'article, on voit la personne assise sur le sac. Et en effet, ça a juste l'air de quelqu'un assis sur son sac, mais ça a un petit support ergonomique. Voilà. Et on voit des photos de gens partout dans le monde assis sur leur sac à dos. Oui. C'est une bonne idée. Oui. C'est quand même cher, mais c'est une bonne idée. C'est cher, mais un sac en tant que tel de voyage, c'est souvent pendant le choix. Ouais, c'est vrai. De toute façon. Et un dernier pour la route, tiens, allons-y avec un foulard. Je sais que tu portes tout le temps des foulards. Je pense que littéralement 5 jours sur 5, je te vois avec un foulard. Surtout ces temps-ci, il fait froid. C'est ça. Donc, il te faudrait peut-être un foulard chauffé. Oh, ça serait parfait. Ah, malade, hein? Donc, c'est le heated scarf, hein, qui va vous donner un petit peu plus de chaleur autour de votre cou. Ça a l'air d'être un foulard tout à fait normal, ultra mince, flexible, avec un élément de... carbone chauffant à l'intérieur au centre du tissu qui va vous donner 6 heures de chaleur à partir de cette batterie rechargeable dans le foulard. Il y a 3 paramètres de chaleur. C'est lavable à la main et ça vient en noir ou en gris. Pas pire quand même, hein? Oui. J'ai une de mes amies qui a une couverte chauffante pour son lit, là. Oui. Sérieusement, c'est le bonheur total. Combien paierais-tu pour le foulard? Pour le foulard, mon Dieu, je pense que pour un foulard chauffant, je serais prête à payer jusqu'à 40$. Oh boy, qu'il va falloir que tu sortes plus d'argent de ta poche que ça. Ça vaut $100 américains. Oh. 100% polyester, 60 pouces de large par 6 pouces de... 60 pouces de longueur par 60 pouces de large. Présentement, il y a tellement de demandes qui sont back-order. Ah ouais? Ils nous demandent un petit peu de patience. Donc $100 et comme je disais, en noir ou en gris, tu peux ajouter un emballage cadeau pour $7 américains de plus. C'est chez Hammacher Schlemmer, ceux qui sont célèbres pour leurs gadgets bizarres dans les aéroports, entre autres. Hammacher Schlemmer. Voilà, c'est tout pour ça existe, mais ça ne devrait pas, là. Les liens sur assemblagerequis.com. Nous, on va terminer Assemblage requis là, Tania Baudin. On a passé un bon moment. Seulement toi et moi aujourd'hui. Seulement nous, pas eu de chroniqueur aujourd'hui. Avoue qu'on s'est quand même bien réparti ça, il y avait du bon contenu là-dedans quand même. On a bien fait ça, je crois. On s'est débarrassé d'un paquet de stock qui était dans le backstore depuis longtemps dans ces chroniques-là. Donc voilà, merci à absolument personne. Demain, on sera mercredi et si tout va bien, on devrait avoir Sébastien F. Gartin et Frédéric Bernard avec respectivement le bulletin Gartin et Google Globe. Quoi qu'en semaine de relâche, je me fierais pas sur les deux. Je miserai sur un des deux, mais je vous dis pas lequel. Mm-hmm. Donc si c'est demain entre 6h30 et 9h30, restez sur nos ondes. À 11h, c'est le dîner de con avec Danny Janvier. Ensuite, à 13h, la rediffusion de Rock de Neurones. À 15h, je serai de retour avec les Palmarès C'est Fou, le top 40 de la semaine. À 19h, réanimation avec du métal et de l'horreur. Cif.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. Merci, Tania Baudin. Ben merci, Mathieu Plante. On se quitte puis on se dit à demain. À demain matin. Il reste comme 20 secondes. Qu'est-ce que tu as à dire de plus? La jardinière de tantôt qu'on a dit est revenue. Elle est revenue. Elle n'est pas en relâche, mesdames et messieurs. Elle a des feuilles sûrement ramassées. Sûrement. À demain. À demain. Bye.